Bonjour Angers, bonjour Navarre, c'est la fucking kermesse numéro 15. On aurait aussi pu s'appeler le Chupacabrel, mais on n'aurait pas pu sauter la petite Marie. Et oui, c'est excellent, une blague de très bon goût pour commencer cette fucking kermesse incroyable. On est de retour très vite, ça fait bizarre, on travaille trop. Et je suis avec ce retour, je suis avec pour ce retour incroyable, j'apprends à parler. Steven, bonsoir Steven. Salut. Ça va? Ça va et toi? Tu fais des coups de militaire, ça te fait quoi? Ça fait que je t'emmerde. Caporal Steven. Je me suis trompé de sabot. Un banal accident de coiffeur. Voilà. Il y a aussi Alexis. Ça va, Alexis? Ça va et toi? Ça va à tous. Salut. Excellent. Alexis qui nous revient de vacances, je crois. Tout à fait, je reviens de Sicile hier soir. Ouais. C'est génial. J'ai vu des petits bustes de Mussolini magnifiques. Ok, c'est bien. Tu montres les photos après ou comment ça marche? Je suis sûr qu'il en a fait en plus. C'est un genre de mec à faire des photos de ça. Et on a un invité exceptionnel qui nous revient après la FK numéro 9 sur les caillots magiques plus forts. Il revient pour la FK numéro 15 sur le Yeti et les Kraken. Bonsoir Roupi. Bonsoir. Bonsoir Rangis. Ça va? Ça va. Tu es venu une fois et tu as essayé de revenir. C'est incroyable. Ouais, c'est complètement incroyable. Non, mais on avait bien rigolé, donc je me suis dit sur un malentendu, on pourrait rire. C'est possible. On sait pas trop, hein. On sait pas, on verra. On sait pas trop. Inch'Allah. Et du coup, c'est les Yeti, les Kraken, c'est la cryptozoologie. Un vaste sujet très peu connu. Voilà, qui parle des animaux qui n'existent pas, ou alors peut-être, mais on n'est pas sûr, donc on va essayer dans le savoir. Ouais, c'est une science qui est elle-même un peu cryptique. Hein. Exactement. Tout à fait. Mm-hmm. Donc on va parler de ça. Il y aura bien sûr un roule plateau, des chroniques, un quiz par Steven. Et oui, j'ai fait un quiz, c'était fastidieux. Mais... Oh putain, un peu de motivation, ouais, merde! Non, mais c'était fastidieux. Steven, à faire, il est toujours mais... blasé de toute façon. C'est un quiz à 27 questions, je crois. Oh merde, ça devrait le faire. Ça sera fastidieux du coup. Okay. J'avais raison finalement. Ton intuition était bonne. C'est vrai. J'aurais une vie Patrick à vous proposer sur Patrick rencontre le Christ cosmique. Alors, c'est un titre un peu cryptique lui aussi. C'est du crypto-titre, de la crypto-titographie. Oula! Mais... Ouais. C'est pas validé un des codes du journalisme, ça. Mais vous verrez, ce sera génial. Et il y aura une chanson de la Misasa qui enfin nous envoie une chanson depuis son ermitage en Tunisie. Il nous a quittés, il n'est plus parmi nous, mais il est tout le temps dans vos oreilles. De l'autre côté de la Méditerranée, mais il nous envoie quand même des chansons. On va commencer par les petits. Alors, il y a des annonces de la FK, comme d'habitude, c'est relou, mais bon, faut bien passer par là. On a des vies, il faut qu'on vous les raconte. Hein, Alex était en Sicile, moi demain je vais à Grenoble, enfin, vraiment c'est super. Donc, il se passe quoi? Il y a un projet. Un projet de podcast. Oui, c'est vrai qu'il y a un projet. Un projet de podcast en plus de la fucking kermesse. Vous vous rendez compte, on travaille tellement qu'on en veut toujours plus. Ça veut rien dire ce que je dis. J'en ai marre de parler. Steven, c'est quoi le projet? Le projet, c'est ton projet, donc normalement c'est à toi d'en parler. Mais le projet, c'est un spin-off de la fucking kermesse. Un spin-off comme Angel en son temps avec Buffy. C'était d'ailleurs un très bon spin-off. C'était très mauvais, mais si ça te fait plaisir, je sais que ça te fait plaisir. Donc c'est un spin-off sur le jeu vidéo, je crois. Et oui, ce serait un peu comme la fucking kermesse, mais en jeu vidéo, mais pas vraiment comme la fucking kermesse en fait. Il y aurait un jeu, on serait 3-4. Ce serait vachement bien de faire un jeu vidéo la fucking kermesse. Je sais pas si ce serait très bien pour ce serait de la merde. Tu joues quoi? Tu joues un mec assis autour d'une table qui picole? Ouais, c'est pas, ça. Non, le gameplay serait limité. Ou alors en mode trauma center où faudrait te tenir le verre et tout. T'as une barre sur le côté qui te dit si t'es trop hardcore ou pas. Et si tu vas trop haut, il y a la lycra qui t'attrape. Faut que tu choisisses des répliques, un peu le timing, tu vois. On parle de la lycra en cryptozoologie tout à l'heure, bien sûr, parce qu'on les cherche encore, les lycras. C'est pas drôle. Donc, un podcast sur les jeux vidéo fait par les connards de Fucking Kermesse, ça pourrait être sympathique, on va essayer de le faire. Ce sera peut-être payant. Pas payant, mais il faudrait qu'on ait de la thune au bout d'un moment, ça serait bien. Et ça n'a pas de nom encore. On trouve pas. Moi, j'ai proposé, mais bon. On verra. Non, on n'a pas encore de nom. Et en parlant de podcasts qui vont se lancer, Alexis. Notre cher oui, Alexis, tout à fait. Tu as un projet de podcast toi aussi? Tout à fait. Allez, vas-y, c'est le marché, tout le monde présente sa truc. Alors, c'est un podcast qui s'appelle Analeps, qui sera sur YouTube. Ça sera donc c'est pas vraiment un podcast en fait, c'est des vidéos. Oui, c'est des vidéos. Okay. L'idée, c'est de présenter... Oui, bah ta gueule, c'est toi qui as présenté ça comme un podcast. L'idée, c'est de présenter des portes pour faciliter l'accès aux podcasts. Alors, je vous présente cette porte. Regardez, elle fait 2m10. Ouh là là, elle coulisse, elle est super. Le premier podcast financé par Ikea. Ah là là, et par la paire. Donc, c'est des portes pour d'accès à l'histoire plus facilement pour les gens qui s'intéressent pas forcément à l'histoire. Comme des portes temporelles un peu. Exactement. Comme dans Les Visiteurs. Exactement. Pourquoi t'appelles pas ça Les Visiteurs? En présentant des œuvres. présentant des œuvres artistiques, culturelles ou fictionnelles qui ont un lien avec des personnages, des événements ou un contexte historique particulier. Par exemple, je pourrais vous parler de Game of Thrones et dire que c'est fortement inspiré de la guerre des deux roses, etc. Voilà, un peu le délire. Des parallèles entre la fiction et l'histoire. Exactement. C'est génial. Tu vas être un peu le Danny Caligula de l'histoire. Ouais, non. Avec Doxa. Ah, non. C'est mission. Putain, de merde, éduquer les masses, quel lourd fardeau. Ouais, c'est voilà, dur. On est en train de dire que Doxa, voilà, c'est de la merde. Bien sûr, n'allez pas voir cet homme. Merci. Donc, je vous promets un deuxième épisode. Ce sera pas le premier, mais sur les nazis. Hein, parce que voilà. Attends, tu commences par le deuxième épisode. Tu commences par l'épisode 2. Alors, il fait que les épisodes pères, en fait. Alexis Lucas. Mais non, mais parce que je sais que vous aimez que je parle de nazis dans la fucking kermesse, alors. Non. C'est toi qui aimes parler de nazis. Tu aimes parler de nazis tout le temps. En général. Tu parles tout le temps de nazis, Alex. C'est vrai. Donc, bah voilà, c'est bien. Tout ça, on va essayer de le faire. Vous demandez-nous sur Twitter quand ça arrive. Vous harcelez-nous, puis on vous dira. Et tant qu'on en est là, bah on a Oupi avec nous. Oupi. Bonjour. Toi qui as une vie trépidante et bien remplie. Bien sûr, très alors, remplie. Alors, comment va JV? Ça fait 2 ans bientôt, non? Écoute, JV va bien. Ça fera 2 ans, quoi, dans 2 mois, fin octobre, un truc comme ça. Bah écoute, JV se porte plutôt pas mal. En ce moment, on a des hors-séries qui ont l'air de plaire aux gens sur la PlayStation. Effectivement. Et voilà, on vient de boucler là un peu sur les rotules. Les vacances ont été assez meurtrières. On a passé 2 semaines, on est tous partis. On a passé après une semaine en Allemagne. On est revenu, l'air de rien, pour boucler le numéro qu'on va foutre en kiosque la semaine prochaine. Il nous restait une semaine pour l'écrire. On avait écrit 3 pages sur 100. C'est peu, je vous laisse faire le calcul chez vous. Voilà, ça fait une bonne moyenne. Donc là, on est un peu crevé. Si je baille un peu pendant l'émission, tout ira bien. Ah, donc on rappelle JV, un magazine de qualité. Voilà. Un magazine de qualité, non, écrit par des gens qui ne dorment pas assez. JV, c'est bien. Et ZQSD, ça se porte bien aussi, le podcast de jeux vidéo. ZQSD, ça se porte bien. Alors nous, contrairement à vous, vu que c'est les vacances, on fait moins d'émissions. Hein, je veux dire, vous êtes un peu à l'envers du système. Et nous, voilà, quand c'est les vacances, on fait plus d'émissions. Voilà, nous, on en fait moins. Là, ça fait un moment qu'on n'en a pas fait. Je sais pas quand était la début dernière. Juillet, je crois. Ouais, début juillet, c'était la dernière vraie émission. On a fait un hors-série vite fait à la Gamescom avec des invités exceptionnels à côté d'une rue fort bruyante, et là on va reprendre, c'est le 4 septembre, ça va revenir tranquillement. Il y a déjà la date et tout, c'est beau. Ah ouais, non mais on a que ça, cela dit, hein, on a que la date. Bon. Et toi, enfin, tu stream maintenant, tu veux faire ta pub, devenir un Twitcher influent. Ouais, non, on va pas faire de pub, c'est mais vrai. Effectivement, j'ai un Twitch, j'y bah, suis parfois, de temps parfois en temps. Il y sera. Suivez parfois, ouais. Moi je voulais que tu sois le nouveau Squeezie, tu vois. Alors non, moi j'aimerais bien ne pas l'être, en fait, justement. Putain, dans 3 ans, le Oupi Gaming Show au Grand Rex. Génial. Je vais rajeunir d'année en année. Bon, bah voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va commencer avec le roule-plateau. Enfin, on se lance tout guilleret vers cette magnifique aventure humaine que sera ce roule-plateau. Merci. Alors, qui commence? Si c'était Steven qui parle c'est de... C'est toujours moi. Bah, commence-toi, vas-y, commence. Eh bien, moi, je voulais parler de Dark Souls 3. Ça fait longtemps que j'avais parlé de Dark Souls dans l'émission. Hein, Dark Souls, ma grande passion dans la vie. Comme Omar Sharif et le Dada. Et donc, le 3ème épisode de Dark Souls, il commence en janvier. Non, il sort en janvier. Et il a l'air bien. T'as pu y jouer ou pas du tout, toi, Hopi? J'ai pu essayer la démo. Hein. Il y avait une démo de 20 minutes pour aller jusqu'au premier boss. Je ne suis pas arrivé au premier boss, hein, spoiler, je vous le dis tout de suite. Je suis mort. Les mecs, ils ont gardé un jeu donc, extrêmement, extrêmement difficile, avec un univers qui est toujours celui de Dark Souls, donc toujours très médiévalo-gothique, on ne sait pas trop. La Dark Fantasy. Ouais, de la Dark Fantasy as fuck. Et donc là, ils sont revenus quand même avec un tout petit peu plus permissif, genre les potions te redonnent beaucoup plus de vie, tu sens qu'ils ont mis un peu d'eau dans leur vin pour essayer après Bloodborne de pouvoir toucher un public assez large. Mais bon, ça, malgré tout ce que pourront en dire ses détracteurs, ça reste un jeu qui a l'air parfaitement incroyable. Et encore une fois, je n'ai pas atteint le premier boss en 20 minutes. Voilà. Et donc, les combats ont l'air vachement plus rapides qu'avant. Avant, Dark Souls, c'est un peu bouclier. C'était assez lent et c'était assez, pas mécanique, mais rythmique en tout cas. Là, ça allait beaucoup moins. Tu sens qu'ils sont partis sur un truc un peu à la Bloodborne. Il n'y a pas forcément plus d'esquive ou quoi, mais tu sens que ton perso réagit beaucoup plus vite. Il lève son bouclier beaucoup plus vite, il roule beaucoup plus vite, il fait tout beaucoup plus vite. Il meurt beaucoup plus vite aussi, sans doute. Ce qui devient compliqué, mais pas impossible. Hein. Ouais, moi ça m'attire, j'ai hâte. En plus, alors qu'est-ce qui te plaît là-dedans, toi? Mais Dark Souls, oh, je peux. Mis à part que t'es un pervers et que t'aimes voir les gens mourir. Non, j'aime l'univers et le. Est-ce qu'il y a un scénario dans Dark Souls qui est transmis de façon intéressante? J'en ai déjà parlé dans l'AFK, mais les items d'après l'histoire, si tu les lis tous et que tu les relis, les théories à la con, je trouve ça vachement bien. Donc j'espère qu'ils vont le. Parce que dans le 2, le scénario était un peu moins poussé, je trouve. Donc j'espère que ça sera aussi fou que le 1, niveau truc caché, tout ça. Et qu'on rentrera aussi bien dans l'univers. Je sais pas si Miyazaki, le mec qui gère Dark Souls, vraiment fait le 3. Ils disent que oui, mais c'est plutôt pour la com qu'autre chose. Bah ouais, ils disent que oui, en même temps il a fini. En même temps, aujourd'hui c'est le boss du studio, donc à un moment il a forcément dû bosser dessus. Après, dans quelle mesure il est impliqué sur le scénar et sur la nouvelle mécanique de jeu, ça je sais pas trop. Mais après, c'est sûr que maintenant ils vont foutre son nom partout, ne serait-ce que parce que c'est le mec qui fait vendre, tu vois. Ouais, et donc c'est le dernier truc de la série, le 3, de la trilogie en tout cas, Dark Souls. Donc c'est la fin, j'espère mm-hmm. qu'elle sera belle et qu'elle nous fera pleurer. Ah oui, c'est prévu que ce soit la fin ou... Bah après, ils feront tu vois, ah ouais. Beast Soul, et puis ça sera reparti, mais Dark Souls sera fini. Ouais, d'accord. C'est ça. Voilà. Bref, bah, moi ça me fait plaisir, j'ai hâte qu'on soit en janvier pour y jouer. Donc voilà, et vous aurez bien sûr un magnifique test dans JV le moment venu, en janvier. Évidemment, très voilà. Certainement. Très certainement. Je suis trop corporate, j'aime c'est ça. C'est tellement corporate, c'est affreux, mec. Et toi, Alexis, quel est ton rôle plateau? Moi je vais vous parler du. T'as, il a un petit carnet avec des notes là. T'as vu? On a un nouveau jingle dans le plateau. Dans AFK. Tu peux le remettre? Il est super. Ok, tu peux ne plus jamais le jouer maintenant. Merci. Alors Alexis, ton plateau. Je vais parler du Nom du Vent de Patrick Rothfuss, qui est le premier volume de la saga chronique du Tueur de Roi. On en a parlé dans la dernière FK. Exactement. Mais tu en avais parlé sans le lire, c'est ça? Non, j'en avais pas parlé. Moi. J'avais dit que j'avais commencé. Mais Stéphane avait dit que c'était moche les couvertures devant. Ah c'est ça. Oui, c'est ça. Non, j'avais pas dit que c'était moche. J'avais dit que c'était kitsch. On était avec le mec qui vend l'élite, t'as dit c'est dégueulasse vos couvertures. Là, il lui a craché à la gueule. C'est vrai. En même temps, il me sort trois bouquins, trois exemples de couvertures, c'est les trois mêmes. Donc, c'est la même série, il y a une cohérence dans l'édition. Ouais, ok. Ouais. Bon, allez. Et donc c'est sorti chez Bragelonne, ça coûte 25€. C'est cher. Putain, c'est cher. Ouais, bah, ça fait 900 pages, un truc comme ça. Ouais, bah, c'est et bien, en gros, il y a un ratio page-prix, quoi. Ça fait combien la page? De toute façon, j'y vais, c'est pas très cher. Hein. Pas plus cher que ça. Et c'est super bien, vraiment. Dès que je l'ai lu, c'est rentré dans mon top lecture fantasy. Carrément. Ouais, vraiment. Et en gros, c'est l'histoire... top lecture fantasy, donc c'est pas non plus. Oui, ouais. Oui, non, mais. Et l'histoire, c'est que c'est dans un monde donc, de fantasy où il y a plein de légendes sur un type qui est censé être le héros, tu vois, genre nous, Jésus, tu vois, un peu. Mais qui a fait plus d'actes héroïques que Jésus. Jésus était pas excessivement héroïque, hein, voilà. Dire, bon, non, il a fait du pain. À la limite, c'était un super boulanger, peut-être. Mais, et ça vigneron. S'arrêtait là, tu vois. Et vigneron, transformé l'eau. Et vigneron, évidemment. Et charpentier. Et un garçon qui savait vivre. Et du coup, ce mec a disparu du jour au lendemain. Et en fait, on le suit. Il est devenu aubergiste. Justement, on revient au vin. Putain, merde. Et du coup, il y a un mec, un script qui vient le voir et recueillir son témoignage, sa véritable histoire. Et donc, tu suis son histoire en parallèle des légendes, etc. Ah, c'est un peu une contre-enquête, quoi. Voilà. Et en fait, tu te rends compte que c'est beaucoup moins épique que sa vraie vie, c'est ça? Non, c'est quand même hyper... hyper okay. En fait, tu te rends compte que c'est exactement la même chose. Un aubergiste badass. Et c'est assez fun parce que tu retrouves un peu le... Enfin, moi, ce que j'avais aimé, par exemple, dans Harry Potter, c'est le côté tu suis un personnage pendant très longtemps dans sa vie. Et là, tu commences vraiment à sa naissance, sa jeunesse. Après, à la fin du tome 1, donc là, celui que j'ai lu, c'est la puberté. Tu le quittes quand il est à l'université, quand il termine l'université. Fac de lettres. Donc, non, de magie. Enfin, voilà. Fac de magie, mais c'est pareil. Fac de magie. Ouais, magie littéraire. Hein. Enfin, voilà. Je ne choisis pas de débouché de toute façon. Je pense qu'il y a plus de débouché en magie quand même. Hein. Bah souvent quand tu fais de la magie, tes idées ont du génie. Je sais pas, moi je pense à Sylvain Mirouf, donc niveau magie, je suis pas sûr. C'est vrai. Eh bien merci Alexis pour le Nom du Vent qu'on ira sûrement. Voilà. Non mais c'est un super bouquin, vraiment je vous le conseille. C'est quoi le délire avec le vent dans la fantasy là? Non, ça y est, l'art du contrevent, le Nom du Vent, fait attendez, il y a un délire dans deux. Le vent. Ah c'est terrible. C'est assez beaucoup quand même. Bon, tout ça pour du vent. Merci Steven. Oupi. Alors. Moi, je vais vous parler d'un manga qui va sortir le mois prochain. Il n'est pas sorti, donc je ne l'ai pas lu. Donc je vous parle dans le vent, mais c'est un peu ma spécialité. C'est Berserk 38. Berserk. Wow. Ouais, ça ressort. Donc c'est une série écrite par un garçon qui s'appelle Kentaro Miura, un japonais, vous l'aurez sans doute compris. Et donc c'est un mec qui fait ça depuis 1989. Sa série était incroyable jusqu'au tome environ, je sais plus, 10, 12, un truc comme ça. Après c'est devenu un peu plus mou. Mais là il y a un truc que les mecs qui sont encore accrochés peuvent commencer à entrevoir au bout de 20 épisodes un peu mou, où il y a quand même, bon, il y a toujours un peu le mec a un trait qui est fabuleux, il a quelques supers épiphanies, enfin il a des idées parfois qui sont géniales, mais bon après il s'est un peu perdu dans les combats à la chaîne et puis il a commencé à faire arriver des magiciens et tout, bref, et là il revient, la boucle est bouclée, le héros principal, celui qui a on va dire tracé un peu son destin dans une troupe de mercenaires qui s'est un peu frité avec son boss, après 20 épisodes où ils sont partis, ça y est, là il est sur le point de retrouver son boss, sans doute, en tout cas il arrive dans son pays. Je caresse l'espoir que ça devienne mieux, Mais j'ai aucune certitude sur ça. J'ai aucune certitude. Parce que le mec, il a quand même salement lâché l'affaire. Il le sortait avant, mais il était tenu par le modèle Shonen Jump. Je sais pas si vous êtes un peu familier avec ça. En gros, ouais, dès que tu fais un manga là-bas, il faut le sortir tout le temps parce que c'est des parutions hebdomadaires. Donc au début de sa carrière, le mec était extrêmement prolifique et il avait beaucoup d'idées. Après, il était beaucoup moins prolifique parce qu'il était sorti du Shonen Jump et du coup, il avait aussi beaucoup moins d'idées. On sait pas pourquoi. Donc c'est arrivé un peu les deux à la fois. Donc la série est un peu tombée en disgrâce. Mais là, je sais pas. J'ai envie de croire que ce garçon est revenu. Il a sorti le 37 et le 38 dans un mouchoir de poche, on va dire, un mouchoir de poche japonais. Hein. C'est-à-dire que ça a pris quand même un an et demi, tu vois. Mais bon. Il fait de l'origami avec et tout. Ouais, peut-être. Et non, je caresse l'espoir que ça soit bien. Et ce serait bien que ça devienne bien parce que franchement, des séries, on parlait de Dark Fantasy avant, on est complètement dans ce truc-là. C'est hyper sale. Le premier plan de la première page du premier bouquin, c'est le héros qui coupe un autre mec en deux. C'est déjà subtil dès le début. Dans l'animé, je crois qu'il baise avec un démon, il lui coupe la tête. Ouais, il y a un truc comme ça. Hein. C'est pas excessivement jovial. Si vous avez des enfants, surtout, ne les faites pas lire ça parce que je pense qu'ils vont pleurer. Ils vont pleurer des petits démons. Mais ouais, franchement, ce serait très bien que ça revienne. Et d'ailleurs, je pense que ce sera le dernier que je vais lire. Si jamais c'est pas bon, je vais arrêter. Voilà, c'est un ça peu. Ça m'appelle Walking Dead. C'est un ultimatum. Kentaro, si tu m'entends, fais gaffe à ton cul. Il est prévenu. Donc, voilà. Je commence à retenir le jingle. Donc voilà, le dernier, Steven, ton dernier roule-plateau, toi qui voulais finir. Parce que sûrement c'est très intéressant ce que tu as à nous dire. Non, hein. c'est pas excessivement intéressant, c'est pas excessivement nouveau et ça va être plutôt court. Mais j'ai profité de mes vacances pour réécouter l'intégrale des réquisitoires de Desproges au tribunal des Proches. Le mec délire. Nous recommande Desproges. C'est clair. Et donc c'est des réquisitoires qu'il a fait dans les années 80, de 80 à 83. Et c'est excellent. C'est dispo. J'aime bien quand on s'engage sur les œuvres. Bah, Desproges, c'est génial. Desproges, c'est bien. Le Dalai Lama est un mec sympa. Desproges, c'est génial. Je suis désolé. Oui, non, mais c'est sûr, c'est génial. Mon humoriste préféré, effectivement. Il est plus drôle que le Dalai Lama. Je suis désolé. Ils concourent pas dans la même catégorie. Tu noteras quand même. Ils ont pas les mêmes ambitions tous les deux. D'autant que l'un des deux est mort. Voilà. Qui est mort? Le Dalai Lama. Non, mais c'est vraiment très bon. À peu près tout est disponible sur YouTube. Donc courez écouter ça. Sur Jean-Marie Le Pen particulièrement. Ouais, celui sur Le Pen est très bon. Il faut écouter derrière la défense de Louis Rego sur Le Pen. Parce qu'ils étaient deux, il y avait des projets. En fait, il y avait en gros le tribunal des flagrants délires, c'était un gros tribunal sur un invité, donc type Jean-Marie Le Pen ou des gens comme ça, qui étaient invités et on se foutait un petit peu de leur gueule. Il y avait des proches qui venaient accuser l'invité. Et Louis Rego qui faisait l'avocat de l'accusé. Et Rego, on le connaît plus, mais il était rigolo aussi à l'époque. Il était rigolo avant. Il a fait partie plus ou moins des trucs comme les musclés et des machins comme ça. Après, il était drôle. Oula ah, ouais, ouais. Qu'est-ce que tu nous sors chaud, ouais. L'infamie. Par contre, tu as sali le nom de cet homme. sur Le Pen, il est très bon. C'est la journée d'un fasciste derrière. Qui est très très bon. Très bien, voilà. On conseille Pierre Desproges. Voilà. Allez écouter, allez lire, c'est génial. Les chroniques de l'année ordinaire, c'est très bien aussi en CD. Voilà, on a fini ce roule-plateau. C'était long, mais c'était super intéressant. On est super heureux. On va pouvoir commencer avec nos super amis, ce super thème qui est la cryptozoologie. En 1955, une expédition française gravit le mont Makalu dans l'Himalaya. En chemin, il remarque d'étranges traces dans la neige. Plusieurs photographies de ce type feront le tour du monde. La légende du Yeti, notre monstre préféré, est née. Non. Eh oui. La légende. Notre monstre préféré. C'est un scandale déjà. Personne, jamais. Même le Yeti dirait pas ça. Donc là, on commence par l'axe 1 de notre super thème, j'apprends à parler, la cryptozoologie. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on y fait? Pourquoi c'est bien? Pourquoi c'est nul? On va en parler avant de s'aventurer plus avant vers les monstres à proprement parler qui nous intéressent. Alors, qu'est-ce que c'est comme discipline la cryptozoologie? Alors, ça vient du grec, on peut le dire, hein, comme on peut parler. Zoologie, étude des eaux. Étude des eaux, ouais. Étude de la vie. Zoo, c'est la vie, mais c'est la vie animale. Et crypto, caché. Exactement. Voilà, c'est l'étude des animaux cachés. Voilà. Ok, axe 2. Et oui, j'ai une citation du mec qui a créé la cryptozoologie, parce que j'ai quand même travaillé mon sujet. Il s'appelle Bernard Hoevelmans. Sur Wikipédia, ouais. Oui. Ouais. Il s'appelle Bernard Hoevelmans, un nom un peu étrange. C'est un Belge, hein, c'est pas de sa faute. Il a écrit sur Wikipédia qu'il était pote avec Hergé et l'acteur qui joue Bob Moran. Ouais. Super. Ça pose un peu le personnage. Hein. Voilà, je pense qu'on peut complètement avoir confiance en sa science. Il est entre Hergé et Bob Moran. Elle est sans doute imparable. Et il dit la cryptozoologie, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est l'étude scientifique des animaux cachés, c'est-à-dire des formes animales encore inconnues, pour lesquelles sont seulement disponibles des preuves testimoniales ou circonstancielles, ou des preuves matérielles considérées comme insuffisantes par d'aucuns. Par d'aucuns. Par d'aucuns. Ah d'accord. Il a écrit ça, par d'aucuns. Et donc voilà, c'est ça en fait, c'est souvent c'est avec le témoignage que ça se base la cryptozoologie, généralement oui, c'est ça. En gros c'est une science du témoignage, comme peut l'être l'histoire. Ah Alexis, t'as le seum, tu fais de la crypto-histoire. Ça n'a rien à voir. Alexis essaie de démontrer que les nazis l'histoire en fait c'était cachée. Pas si mal. L'histoire qui n'a pas existé, c'est la sienne. Non mais ça n'a rien à voir, non, je peux me lancer dans ce débat parce que je sens que je vais me faire bâcher. Non ça n'a pas rien à voir quand même, bah... c'est basé sur le témoignage. Bah déjà la cryptozoologie pas que, t'as aussi oui, t'as aussi des traces de pas et des poils. Traces de pas, tu récupères ouais. des morceaux, t'essayes de faire un petit peu ce genre de choses. Alors qu'en histoire oui c'est que du témoignage de le. Mais c'est pas. Et l'archéologie. Bah c'est pas l'histoire, c'est l'archéologie. Oh là là. Donc c'est les gens, ils ont dit ah j'ai vu un Yeti avant-hier. C'est ça. En gros le mec il est tout seul au fin fond de sa Belgique, il voit à venir un paysan en train de courir. Putain les mecs, j'ai vu un truc, c'était gros, c'était blanc, c'était un Yeti. Et l'autre il s'est dit ok je vais faire ma carrière là-dessus. C'est allez parti. Les mecs, on fonde une science. J'ai connu un vieux paysan qui racontait avoir vu un gros mec poilu. C'était son voisin, il le sait pas mais voilà, ouais, ça c'est suffit ça. À lancer une science. Bah une science, peu de gens y trouvent que c'est une science, mais eux ils essayent d'avoir des méthodes scientifiques en tout cas. Ils y tendent. Tu parles de Bernard machin là. Ouvelmans, oui, voilà. Ou Valmond. Lui après lui il a un diplôme de il a un diplôme de zoologie etc. Je pense qu'il avait des pratiques plutôt scientifiques. Mais c'est après les gens les gens qui ont découlé de ce truc là. Mais en soi les cryptozoologues cryptozoologues c'est dur à dire, ça va être chiant. Partent d'un constat qui est vrai, on connaît pas toutes les espèces du monde. C'est vrai, c'est il y a plein d'espèces qui nous restent encore inconnues à l'heure actuelle. C'est je crois qu'on connaît 10% des espèces, un truc comme ça. 10 ou 20%. C'est peu. C'est peu. Après, il y a beaucoup d'insectes, etc. Enfin, ils estiment qu'il y a. Comme dans le Nord-Pas-de-Calais, ouais. Non, mais. Il y a un exemple qui est beaucoup donné par les cryptozoologues, c'est celui du panda. Oui. Parce que pendant longtemps. Explique-nous. Pendant presque. Prends l'accent chinois. Non. Pendant presque 60 ans, le panda a été une espèce qu'on pourrait nommer aujourd'hui un cryptide. Parce que, en gros, un scientifique est allé. Je sais pas où. Les mecs n'avaient jamais vu un panda. Et ben. Il y avait des rumeurs comme il quoi. A vu, il y avait des ours. De la fourrure de panda. Et il a dit bon les gars, faut me ramener un animal. L'ours comme il est malade là, c'est pas un ours normal. Alors les Chinois ils sont allés chercher un ours, ils l'ont buté. Enfin un panda, ils l'ont buté. Ils l'ont ramené. Et puis le gars il dit non, j'en voudrais un vivant. Et après pendant 60 ans on a cherché des pandas vivants. Et aucun scientifique occidental n'a. Tout le monde partait en vu. France et tout en Occident. C'était une légende en fait un peu. C'était une légende et surtout ils ont pensé que du coup c'était une espèce éteinte. Et en 60 ans, il n'y a pas un seul mec qui s'est dit au lieu de commander à des types un peu louches de me ramener des pandas, je vais aller voir. Si, ils y sont allés. Ah, ils y sont allés. Mais les pandas, il n'y en a pas partout. Quoi. Mais ils sont allés où? Mais ils sont allés Chine. Dans la forêt. Et ils trouvaient pas, les pandas. Bonjour monsieur, est-ce que vous avez un panda? Oui, donc il y avait le panda, il y avait aussi le léopard des neiges. Ouais. Léopard des neiges, je ne sais même pas ce que c'est. Bah, c'est un léopard albinos. Mais ça c'est assez récent, non? C'est très récent. Ils ont découvert le léopard des neiges. C'est après le snow léopard. Alors non. Oh merde. Non. Attends, t'as dit quoi? Rien, il fait des blagues capitalistes. Donc ouais, les cryptozoologues mettent en avant ces espèces que pendant longtemps. Il y en a et pourtant, ouais. c'est pas des petits insectes à la con, quoi. C'est le panda. Ouais. Il y a le gorille des montagnes, le capi, ouais, etc. Il y a eu un nouveau dauphin qui a été trouvé il y a 2 ans, je crois. Ouais, un dauphin préhistorique. Donc voilà, et donc ils se disent, bah regardez, peut-être un jour on trouvera le Yeti, et là vous aurez bien le seum. Mais c'est vrai que. En fait, ils auront raison, enfin, ils auront tort parce qu'au moment où ils ont raison, quoi. C'est-à-dire que là, en attendant, on se fout de leur gueule et peut-être un jour ils feront alors hein, c'est qui, je vous l'avais bien dit. Alors, le chupacabra, il existe. Non, mais le vrai problème de la cryptozoologie, c'est que. En effet, il peut y avoir des espèces qu'on ne connaît pas et dont on a témoignage, mais le problème c'est que derrière il y a pas mal de connards. Quoi. Après, le souci aussi, c'est pour que ça soit de la cryptozoologie, il faut que ce soit une science en fait qui fait une prospection, non, qui fait une. Comment on dit ça? Une divination, non, un truc, il prévoit en fait. En fait, si on c'est découvre. Une prophétie autoréalisatrice. Si on découvre une espèce et qu'eux ils n'en avaient pas parlé, c'est pas la cryptozoologie. Il faut, faut qu'eux ils soient sur la trace d'un truc et ensuite ils le trouvent pour que ce soit vraiment la cryptozoologie. Mais du coup, c'est plus la cryptozoologie. Oui, en fait, dès qu'ils l'ont trouvé, ils arrêtent. Voilà. C'est les mecs qui travaillent pour plus avoir à travailler. Ils passent le relais, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Parce alors, c'est de la zoologie. Concrètement, le mec au quotidien, il fait quoi? Il y a un vieux mec qui vient lui dire j'ai vu un gros type poilu. Non, c'est plus compliqué que ça parce qu'il se base sur des témoignages et c'est pas juste un mec. En général, c'est plusieurs mecs sur une très longue période. Il faut qu'il y ait plusieurs témoignages dans une seule région d'un animal. Okay. Donc le matin, il arrive au boulot, il fait quoi? Il se fait un café et après il se dit bon allez. En fait, faut qu'après faut qu'il déjà qu'il regarde s'il y a appelez-moi. Pas de canular, s'il y a pas de canular. Après, faut qu'il aille sur le terrain, sûrement parce qu'en fait, souvent les animaux un peu comme ça cachés, ils sont dans le folklore local en fait. Donc il faut qu'il parle aux indigènes qui sont sur place, qui ont des légendes de tel animal et tout. Après, déjà, faut apprendre la langue, c'est chiant. Faut qu'il arrive à voir ce qu'est pas une légende et ce qu'est un truc. Qui tient le standard SOS licorne? Vous avez vu une licorne? Appelez-moi, tu fais des réclames dans le métro. Bah, comme ça. C'est sorti en Corée du Nord, souvenez-vous, ils ont trouvé une licorne. Ils l'ont dit. C'est vrai? Non, mais qui m'a dit qu'il avait trouvé une licorne dans une caverne? D'ailleurs, ils ont mis une pancarte habitat de la licorne et tout. Ouais. C'est vrai. C'est faux. Quoi, mais ils c'est l'ont lui fait. Qui a baisé un cheval et ça a donné une licorne. Non, c'est faux. C'est non, faux, non, ce que dira la légende. Non, non, ils ont dit. C'est faux, t'es allé voir pour vérifier que c'était faux? T'es allé en Corée du Nord? Pardon. Bah, ils ont, oui, bah, on n'a pas vu la licorne en tout cas. Ouais. Mais ils ont dit qu'ils l'avaient trouvé. Forcément, ils vont pas le montrer aux capitalistes. C'est vrai. Donc voilà, après, licorne, on va en faire du steak de licorne et tout, ça va être chaud. Le Mac licorne. Oui, donc voilà. qu'est-ce que fait un cryptozoologue? Il doit un peu trier le vrai du faux. Voilà. Ouais. L'info non, de l'entente. Après, au-delà du témoignage, je pense qu'il y a aussi une grosse phase d'analyste et de genre de poils, d'ossements. Ça arrive très tard en fait. Ça arrive tard dans le cheminement du cryptozoologue. D'abord, il faut qu'il travaille. Le témoignage, la région, est-ce que c'est probable par exemple qu'il y ait des ours dans telle région? Le cas du monstre du Loch Ness, qui est sans doute un des cryptides les plus connus, ouais. Pendant des très longtemps, on a les cryptozoologues sérieux, scientifiques du type machin truc là, Uvelmans, on pensait que c'était probable. Il y a des cryptozoologues qui ont montré que c'était improbable au niveau de la biomasse du lac lui-même, qu'il y ait un animal de cette taille dans le lac. Donc tu vois, ils travaillent comme ça avec. Il y a quand même une démarche scientifique. Le problème, c'est qu'ils cherchent toujours quelque chose. Contrairement à la science qui, normalement, en tout cas la biologie, ne va pas tout de suite chercher des animaux par rapport aux témoignages, mais par rapport à des chaînons manquants dans l'espèce et tout dans ça. Dans l'espèce, voilà. D'accord. Mais il y a quand même un travail scientifique qui est possible, mais qui n'est pas toujours fait, parce qu'en général, la cryptozoologie est faite par des complotistes. Quoi. Parce que le monstre du Loch Ness, quand même, de base, tu vois, s'il a ce nom-là, c'est qu'il est dans le Loch Ness, tu vois. Voilà. Quelque part, c'est déjà pas très mystérieux. C'est-à-dire que ça réduit quand même considérablement l'éventail de tes recherches. C'est quand même assez grand. J'ai pas idée de la taille du machin. C'est très grand. Ok. Bon. Je crois qu'il a. Du coup, après les polémiques du monstre et tout, il a été fouillé, mais il a pas été intégralement fouillé parce que c'est trop grand. D'accord. Ce qui est intéressant, moi, je trouve, dans la cryptozoologie, c'est qu'il y a quand même. Si on peut y croire, c'est qu'il y a quand même une possibilité. Ça veut dire qu'il y a quand même des espaces de notre planète qui sont absolument inconnus. Ah bah oui. Dans lesquels il y a des possibilités de trouver. Le 10e arrondissement. C'est encore très mystérieux. Je pense qu'on peut trouver des trucs assez saisissants là-bas. C'est vrai que personne ne sait même où c'est le 10e arrondissement. Moi, je suis allé en zone 4. C'était. Oui, c'est vrai. J'ai fait de la cryptozoologie. Non mais voilà, donc ils sont pas. Est-ce qu'il y a des figures connues de cryptozoologues à part Alors déjà, les bestioles qu'ils cherchent, c'est quoi? Et bah alors en fait, il y a. Parce que le Loch Ness, la licorne, ok. Il y a les grosses bestioles comme ça, mais en général, ça n'intéresse pas les cryptozoologues sérieux. Ouais, en tout cas, aujourd'hui. Parce que là, on est quand même dans le fantasme, quoi. J'ai entendu parler à un cryptozoologue contemporain qui cherche, lui, par exemple, des ours dont on a témoignage depuis plus de 300 ans au Maghreb. Et dernièrement, ont été trouvés des fossiles d'un ours au Maghreb. Donc, il cherche, lui, s'il y a cet animal, par exemple, dans des contrées désertiques. D'accord. Mais il y a des témoignages pendant 200-300 ans, des locaux et des colons qui ont vu cet animal. Donc, il cherche un ours, mais c'est pas très bandant, quoi. Il cherche un petit ours pas très gros. Est-ce qu'ils l'ont baptisé? Parce qu'il faudra lui donner... Pour que ça prenne de l'ampleur au niveau médiatique, il faut lui trouver un nom qui claque, tu vois. Mais c'est ça le problème. Tu l'appelles pas l'ours du Maghreb. Il faut lui trouver un truc licornoïde, tu vois. Il faut l'appeler Zaza, si tu nous écoutes. Le super ours, tu vois. C'est Zaza, l'ours du Maghreb. Et alors, on peut avouer maintenant que Zaza est parti chercher l'ours du Maghreb. C'est ça qu'il fait là-bas. En fin d'émission. Non, en général, ils cherchent des animaux un peu pourraves comme ça. Ils cherchent pas tout de suite le Loch Ness. Ils ont trouvé il y a 2 ans, je crois, un tapir. Top. Hein, voilà, un nouvel espèce de tapir. Théorie, vous voyez. Mais il trouve quand même deux choses, c'est pas mal. Et merde. Allez, le pinard sur la table. Et ouais. Dans mon tabac, bah c'est bien. C'est pas grave, ça fera du tabac à m'aromatiser. Bon bah je m'absente 2 minutes, je vais chercher une éponge. Dans mes feuilles. Et si je ne m'abuse, il cherche pas en fait en dessous d'une telle taille d'espèce en fait. En gros, en dessous des lapins, ce genre de merde. Ah ouais, d'accord. Ils vont pas chercher. Genre après, tous les insectes, ça ils s'en foutent. Après, faut être crypto-entomologiste quoi. Parce qu'il y en a trop peut-être. Bah ouais. Et que ça les intéresse pas supputer sur l'existence de ces trucs-là. Il y a pas de témoignages de mecs qui ont vu des super cafards. Quoi. Encore qu'il va y en avoir, mais. D'accord, donc c'est ça le quotidien des cryptozoologues. C'est un peu comme l'ufologie. Il y a des mecs qui sont sérieux. Il y a même des mais c'est rare. Et il y a plus. tu mates les sites de cryptozoologie qu'on trouve sur internet. C'est souvent assez tiepos. Hein. C'est fait en HTML 2000, là, avec des vieux menus, c'est dégueulasse, dégueulasse et tout. Donc ouais, c'est la discipline n'appelle pas en tout cas le sérieux tout de suite, mais il y en a des gens qui y vont. Et c'est beau. Après, pour en revenir au témoignage, ce qui est marrant à observer, l'historien s'exprime. Non, du tout. C'est que, tu vois, dans des régions, tu peux avoir des témoignages sur des animaux, qui n'existent plus dans cette région parce qu'ils ont tout simplement disparu, etc. Il citait par exemple l'Europe de l'Est, où il y avait beaucoup de loups à l'époque. Bah, en 2002, quand on a découvert le Massimo Gargia, c'est vrai qu'il y avait des témoignages, mais bon, on a mis du temps à le trouver, à le prouver. Oui, il disait en Europe de l'Est, à la base, il y avait beaucoup de loups, et du coup, c'est beaucoup dans le folklore. Et alors qu'aujourd'hui ça n'existe plus, et donc tu vois les populations locales. Les loups n'existent plus ? Il n'y en a plus en Europe de l'Est. C'est complètement disparu. Donc tu vois, ils en parlent beaucoup, etc. Ça peut être perçu comme un animal légendaire, entre guillemets, tu vois, ça peut se déformer, alors qu'en fait c'est une base historique qui fait qu'aujourd'hui il n'y en a plus, et donc du coup on les observe plus. Parce qu'en fait j'imagine que plus l'animal que cherche le type a l'air légendaire, et moins il est pris au sérieux en fait. Ouais, genre le Chupacabra, le mec qui cherche les ours du Maghreb, je veux bien croire que lui il arrive à trouver des financements, peut-être au niveau de l'État. Je pense que le mec qui cherche le Chupacabra, il peut se lever de bonne heure, hein, à Binzapper. Bah déjà, le Chupacabra c'est quand même une créature assez spéciale qui n'a aucune vraie description. C'est-à-dire, c'est à peu près tout ce qui est chelou. C'est vrai. Tu regardes. J'ai vu une meuf hier, c'était un Chupacabra. Par exemple. C'est bien. Non, attends. La légende du Chupacabra, c'est quoi ? C'est le truc qui rentre chez toi la nuit, non ? C'est pas ça ? Alors, Chupacabra. Et là, personne ne sait. Ah, si Steven sait. Ça veut dire suceur de chèvre dans une langue. Suceur de chèvre, j'en connais des comme Chupacabra. En fait, ça existe. Meilleure insulte. Ouais, c'est vrai. Suceur de chèvre. C'est pas mal. Et donc ça existe, ouais, c'est des... Ça n'existe pas. Non. Et alors, non, mais attends, ils cherchent des bestioles qui sucent des chèvres. C'est ça que t'es en train de dire. Exactement. Donc ils observent les troupeaux pendant des semaines. En gros, à chaque fois qu'il y a une bestiole chelou qu'on trouve, on dit c'est le Chupacabra. Ok. Et dernièrement, il y a eu un gros emballement médiatique autour d'une sorte de squelette de chien qui a été retrouvé. On a dit c'est le Chupacabra. Mais ça ressemble un peu à un extraterrestre, un peu à un chien, on sait pas trop quoi. Ouais. C'est tellement pas déterminé que je pense encore personne que l'extraterrestre le est quand même assez mal défini, donc ça ressemble à un chien, je vois bien. T'imagines, un extraterrestre, ça commence à. On rentre dans l'extrapolation le chien, plus. Le chien, ça reste large. Et l'extraterrestre, c'est encore plus large, donc le Chupacabra, imagine. D'accord. Imagine la chose. Donc je pense que personne ne cherche le Chupacabra parce que. Et le Dahu. Ah, le Dahu. Tu peux nous parler du Dahu ? Eh bien... Je viens d'apprendre la blague du Dahu à Alexis. Oui, je ne connaissais pas la blague. C'est quoi la blague du Dahu ? Ah bah, pas la blague du Dahu. Non, vas-y, c'est quoi la blague du Dahu ? Mais le Dahu, en fait, c'est un cryptide français. National, exactement. Et la blague, normalement, c'est de faire croire aux enfants, c'était dans les campagnes, ils avaient que ça à foutre. Qu'il y avait le Dahu. Et après, tu faisais peur, tu fais ah, et t'arrivais comme ça derrière. Mais non, c'est pas ça. C'est parce que le Dahu, c'est donc cet animal qui ressemble à une sorte d'antilope. Ou on sait un quoi. Cheval, mais il a des jambes plus courtes que l'autre. Un chevreuil, ouais, c'est une chèvre un peu. Qui a deux jambes. Plus courte que les deux autres. Voilà. Ce qui fait qu'il ne peut courir que sur un flanc de la montagne. Sinon, il tombe. Sinon, il se casse la gueule. Et donc, le cryptide est un peu moins grand. Parce qu'il tourne en rond, il est coincé sur sa montagne à la con. Mais l'idée, c'est qu'on va à la chasse au Dahu. Pour chasser le Dahu, tu te mets derrière lui, tu l'appelles, tu dis Dahu. Il se retourne et du coup, il se casse la gueule dans la montagne. Et là, t'as chassé le Dahu. Non, mais c'est ça la blague du Dahu. D'accord. Sinon ça a aucun sens qu'il ait deux chambres, tout le monde s'en branle sinon. C'est à dire que de base donc t'envoies les gamins chercher le Dahu, donc voilà. Ils courent comme des cons sur les collines et si jamais ils voient une bestiole chelou ils disent Dahu. Voilà. Et le truc il tombe. Putain de merde. Putain, c'est donc c'est, ça les... c'est une belle histoire, hein. Je pense qu'il y a eu tellement d'enfants déçus qui ont suivi des vieilles dans les montagnes qui ont fait Dahu, et non c'est mamie mec. T'es planté quoi. Les loisirs à la campagne c'est incroyable. Ouais, c'est du folklore français, c'est classe quand même. Ouais. Le Dahu. D'accord. Et donc on a parlé un peu de quelques cryptides, mais est-ce qu'il y a des figure dans la pop culture de cryptozoologues? Est-ce qu'on reviendra sur les cryptides plus tard, évidemment? Est-ce qu'il y a des mecs cryptozoologues connus dans la fiction? Moi j'en vois un direct. Moi aussi j'en vois. Bah, Mulder. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Dans X-Files. Parce qu'ils cherchent pas que des extraterrestres, ils cherchent aussi des bestioles à la con. Saison 1, épisode 4, il y a un épisode sur le Jersey Devil. Donc c'est le diable du New Jersey, c'est une sorte de. C'est très chelou, c'est une sorte de d'énorme antilope avec des ailes. C'est ouais, toujours c'est... des antilopes en fait. C'est toujours c'est... l'antilope fait fantasmer, ouais. Les cryptides connus sont des antilopes. C'est un fait acquis, c'est bon. Mais avec des ailes et qui volent du coup. Et donc Mulder, ouais, il a une démarche cryptozoologiste. Attends, c'est quand relou comme mot. parce qu'il doit trier le vrai du faux, aller regarder les témoignages, etc. Donc Mulder, c'est un cryptozoologiste classe dans la pop culture. Et Scully aussi, tout autant. Scully, c'est plus. Un peu moins, elle est un peu contrainte et forcée, quoi. Bah, Scully après fait les autopsies, donc il y a un petit peu de ça quand même. mais elle c'est plus la biologie. Il y a qui d'autre? Supernatural pareil, c'est la même merde. Même les démonologistes genre dans Buffy, je sais pas, Charmed et tout, tu sais, tu les vois chercher dans leurs bouquins, dans le folklore il y a ce démon là, mais on m'a dit voilà, donc c'est un peu regardé, ouais, mais dans eux, Charmed, ils comprennent pas, j'y trouve, ils compulsent pas tous les témoignages de tous les voisins, ouais, mais du parce coin. Qu'ils ont le livre des ombres, c'est pareil, c'est putain, c'est facile, il faudrait trouver le livre de la cryptozoologie, s'il faut il existe, le livre des antilopes. Il y a une série sur la cryptozoologie qui est Sanctuary. Ah oui, j'aime pas regarder, c'est vrai, j'avais oublié. Qui est créé par Samantha Carter de Stargate SG1, donc c'est Amanda Tapping dans la vraie vie. Donc cette femme qui est une actrice de moyenne tenue, hein, a décidé qu'elle était en même temps réalisatrice et a fait une série de merde sur sci-fi qui s'appelle Sanctuary, qui est un peu un sanctuaire pour les animaux légendaires. En gros, elle joue une sorte d'aventurière qui a 300 ans. D'accord. Qu'à 3 ou 400 ans, c'est, je ne sais plus résumé. Trop. Elle est assistée par un Bigfoot et par deux connards. Et ils vont chercher des animaux chelous. Alors, comme est-ce ça. Est-ce que le connard est en cryptide? Non, le connard, il y en a quelques-uns. Ouais. C'est ça. Et ils vont chercher des animaux chelous pour les mettre dans une sorte de zoo qui est le sanctuaire, pour les protéger, dit-on. Putain, bah, c'est beau cette histoire. Donc voilà, donc c'est mecs, ils cherchent des bestioles dans le but de les enfermer. C'est comme, je sais pas si vous avez déjà visité ça, mais il y a un musée de la chasse à Paris. Oui, oui. Excessivement curieux si vous avez l'occasion d'aller voir ça. Ouais, par là, ouais. Oui. Et où ils ont défoncé des milliards de bestioles. Et les mecs sont très contents d'en avoir défoncé plein. Et ils ont, au milieu de ce truc-là, il y a une espèce de petit cabinet de curiosité dédié aux licornes. C'est-à-dire que les mecs, ils ont foutu là, ils ont exposé plein de trucs. Il y a des vidéos de licornes, on se pas trop comment est-ce qu'ils ont fait ça, mais bon bref, et ils ont plein d'espèces de genre des faux embryons de licorne, des trucs comme ça, ils nourrissent un peu le fantasme, mais tu te dis surtout que c'est dans le musée de la chasse, c'est-à-dire que si le mec qui tient ce musée-là trouvait une licorne, il lui défoncerait sa race, tout ça pour le foutre dans son musée. Mort. Regardez les mecs, j'en ai trouvé une là, elle est morte. Et il boirait son Beaujolais nouveau dans la corne et tout, putain, ça serait beau. Ça serait beau, ouais. D'accord, putain. Dans le même genre, on peut citer le dodo. Dodo, c'est éteint. Oui, ouais, oui, mais pendant longtemps qui était un cryptide, en fait, on a retrouvé des traces ou je sais pas quoi, il y a un truc comme ça. Ah, j'en sais rien. Tu et regardes, en fait, pas spécialiste du dodo. Il y a toute une aile. Mis à part dans Alice au Pays des Merveilles, moi j'en ai pas vu. Hein. Et il y a toute une aile au Jardin des Plantes à Paris sur le dodo. Voilà. Ah. Il y a des squelettes, etc. D'accord. Voilà. Bah, donc, dans le Jardin des Plantes, c'est vrai qu'ils ont un petit espace monstre. Avec des embryons de. Genre, je me rappelle des embryons de porc à deux têtes, des machins comme ça. Ah, peut-être. Ah, c'est en mode freak show, tout ça. Ouais, stylé. Voilà. Ouais. Okay. J'aime bien ça. Ça me rappelle Mengele. Allez, merci. Voilà. Merci, Alexis, pour ça. On rappelle Analeps, premier sur le nazisme. Premier sur le nazisme. Donc. Mais il n'y a que ça. On s'est rendu compte en préparant qu'il n'y avait pas grand chose à cryptozoologie dans la culture. Non, c'est vrai qu'il n'y a pas grand chose. Les gens s'en foutent un peu, j'ai l'impression. Alors, pourtant, c'est fascinant. Bah, en licorne, il y a mon petit poney, il y a des licornes dedans. Bah, en fait, les bestioles sont intéressantes en elles-mêmes parce qu'elles peuvent nourrir derrière. Elles nourrissent d'ailleurs abondamment tout ce qui est littérature, cinéma, même ne serait-ce que les histoires que tu peux raconter aux gosses. Après, bah, c'est vrai que. Qui s'intéresse aux mecs qui cherchent ces mecs-là? Personne. Si c'est des mecs qui passent leur journée à compulser des témoignages et à répondre à des coups de téléphone, putain, mais non. T'as pas envie de t'intéresser à ce mec-là, quoi. C'est vrai, mais il y avait un film qui est sorti, un film scandinave en 2012, je crois, qui s'appelle Troll. Merci beaucoup, Troll Hunters. Ah ouais, ouais, bien sûr. Et c'était un peu des cryptozoologues de l'extrême, parce qu'ils allaient sur les traces du troll. Et donc, ouais, ils avaient compulsé, ils avaient fait leurs petites recherches, après ils allaient le chercher. Eux, ils cherchaient pas à prouver qu'ils existaient, ils étaient là pour les tuer. Hein. C'était un troll hunter, donc lui, il était beaucoup moins cryptozoologue que chasseur. Quoi. Mais je pense que parmi les cryptozoologues, il y a pas mal de chasseurs. Hein. Parce que le mec qui arrivera à buter le Yeti, par exemple, c'est clair. Ça viendra une légende, quoi. Putain. C'est vrai. Il est plus que le mec qui va prendre une photo à 17 kilomètres. C'était le dernier. C'était le dernier, je vais bien niquer sa race. Notez mon nom dans vos livres d'histoire. C'est moi qui l'ai buté. Après, c'est peut-être aussi une des seules manières de récupérer un de ces animaux. Par exemple, il y a un. Alors, je sais plus comment il s'appelle, mais il y a un singe qui ressemble à un cryptide connu qui s'appelle Laurent Pandek. Ouais. Qui est une variation du Yeti. Qui est une variation du Yeti. Voisin polonais, ouais. C'est Laurent Pandek. On a eu des témoignages de Laurent Pandek pendant les années 20, 1920, avec un mec qui disait qu'il avait vécu avec un Laurent Pandek, qui est un singe qui ressemble à l'homme et qui est bipède. Et il y a un chasseur qui a buté un singe dont on a trouvé que cet exemplaire-là qui a été buté, qui est un singe qui ressemble à un homme et qui, d'après son squelette, serait bipède. Et est-ce que du coup il a relancé un peu la polémique Mais il y a des mecs qui sont partis à sa recherche et c'est un peu le problème de la cryptozoologie, c'est que les mecs sérieux, il n'y en a pas des masses. et en général c'est un peu des connards qui partent. Ok. Il y a un documentaire de 2013 sur Arte. Putain, partir découvrir le monde avec un flingue sur l'épaule, c'est quand même c'est quand même fantastique comme philosophie de vie quoi. Putain. Donc il y a un documentaire de 2013 qui s'appelle On dirait Fallout. Yeti, y es-tu? Bravo. J'ai regardé ça, c'est pas mal. Et tu vois que les mecs qui partent, c'est un cryptozoologue, donc le mec il avait pas grand chose à foutre, il est parti et il part avec une artiste parce qu'elle a rien d'autre à foutre non plus. C'est vrai. Et ils partent chercher Laurent Pendek, alors ils vont dans la savane, dans la forêt, ils savent pas trop quoi foutre. Ils foutent 2-3 caméras sur un arbre en se disant peut-être. Ouais, ils trouvent des traces un peu, je me sens putain, regardez les mecs, on a trouvé un truc. Hop, ils versent du latex comme ça pour essayer de remouler un peu la trace. Mais après, de pas. Voir un biologiste. Après avoir foutu leurs doigts eux-mêmes, donc ils ont complètement niqué les traces. C'est ça, ouais. Il y a un biologiste qui dit ouais, peut-être c'est crédible, mais peut-être pas trop. Leur approche scientifique était assez mystérieuse. Et surtout, il y avait ce mec-là, il y avait un autre mec dans ce documentaire, passionnant au demeurant, qui était une espèce de gros Canadien millionnaire. Ouais. Il était fabuleux, lui. On te le décrit comme un mec qui adore la chasse et la pêche. Et donc, lui, il voulait trouver une espèce de Yeti, je sais plus, une espèce de Yeti du coin, le Sasquatch, mais là, c'est ça. Et. Tu te dis, ce mec-là, putain, il a l'air tellement bourrin, mais lui aussi, tout ce qu'il veut, c'est le défoncer, quoi. Être le premier à avoir buté une bestiole que personne pensait vraie, tu vois. C'est le safari d'un nouveau genre, c'est beau. Ouais. Tout à l'heure, tu parlais du panda, tu sais s'ils l'ont buté, du coup, quand ils l'ont découvert ou... Je pense, j'en sais foutrement rien, mais... En tout cas, après, il a été découvert, et maintenant, le panda existe. Mais avant, il n'existait pas. Après, dans leur truc de Yeti, Yeti, il y avait aussi ce truc où les mecs se disaient, oui, alors attention, dans les témoignages qu'on voit, parce qu'il y a plein de mecs qui ont genre des vidéos, tu vois. Ils disent, c'est tout le temps un peu les mêmes vidéos où t'as toujours le Yeti genre dodo. Ouais, qui est en train de partir en au loin. De se casser, mais je pense que personne ne s'est posé la question. Peut-être que le Yeti, on s'est planté depuis le début et qu'en fait, il a dodo de chaque côté. on ne peut le voir que dodo, tu vois. Le mec, il a pas de face. Putain, Oupi vient de raffiner le monde de la cryptozoologie avec cette nouvelle hypothèse. C'est ça. Donc arrêtez de penser que c'est des fakes, les mecs. Non, c'est juste un Yeti, c'est un dodo. Il y a aussi un site, allez voir le nouvelordremondial.com. Déjà, le nom fait rêver. Ah oui, je connais ce site. Le nom fait rêver. Est-ce que t'es sûr que c'est de la cryptozoologie? Parce que ça a l'air plutôt. Il y a beaucoup d'articles sur la cryptozoologie, genre j'ai vécu avec le Bigfoot, on a retrouvé un loup-garou au Brésil, enfin bref, vraiment des articles. J'ai sucé un chupacabra. Des articles accrocheurs qui vous feront rêver quoi. Mais c'est le problème de la cryptozoologie en fait, d'attirer les mecs qui cherchent tout ce qui est caché. Les mecs qui sont persuadés que tout est caché. Ouais. Parce que tu regardes. Les complotistes et tout, tu dois ramasser à mort. Ah, mais quoi. Je pense les soraliens sont en eux cryptozoologues. Mais tu regardes sur la maison d'édition de Soral qui s'appelle Contre-Culture, avec 2K comme toutes les bonnes choses, et il sort des bouquins sur le fait que les dinosaures n'ont jamais existé, des machins comme ça. Sérieux? Bah ouais. Son combat c'est les juifs, mais les dinosaures étaient sans doute juifs parce qu'il y a les dinosaures aussi. Et donc, c'est le problème de tout ce qui est crypto, tout de suite ça excite le peuple. C'est beau. Ouais. Oh, merde. Voilà, ouais, donc on a fait un petit tour d'ensemble de la cryptozoologie. Vite fait, vous voulez juste comprendre du coup que c'est un truc qui existe vraiment, mais qui est souvent tourné en dérision par les gens qui le font et par les gens qui le prolifient. Par nous, tu veux dire? Nous, on est. Oui. Nous, on est neutre en général. Ouais, on est neutre, oui, c'est vrai. Bien sûr. Et donc, en cryptozoologue connu, il y a. Oui, qu'est-ce qu'il y a, Alexis? Tu veux dire quelque chose? Oui, je voulais poser une question. Tu vas lever la main très poliment ou je te donne la parole. Exactement. Est-ce que les hoax de découvert. Découverte donc les canulars, hein. Voilà, c'est ça, genre de calamars géants, t'es sur les plages et tout, il y a ce genre de trucs là. Ah bah, les calamars géants, ça existe par contre. Ouais, mais est-ce que du coup ça rentre dans un peu dans comme c'est des hoax, tu vois, dans le. Bah, le boulot du cryptozoologue doit essayer de démonter les canulars qui peuvent être faits, effectivement. Putain, il doit zoner toute la journée sur YouTube. C'est ça. Moi j'avais vu le témoignage d'un cryptozoologue qui disait que le monstre du Loch Ness n'existait pas, mais il a fait des grosses recherches pour le coup, à la fois zoologiques et physiques. Pour dire que c'était sans doute des otaries, parce qu'il y a régulièrement des otaries qui rentrent dans le Loch Ness, et il y a des phénomènes. Otaries, Loch Ness. Non, mais il y a des phénomènes de réfraction de la lumière qui font qu'elles ont l'air énormes. Des otaries ont l'air énormes et ont l'air d'avoir des très longs coups de très loin, donc ce serait sans doute une source de la légende du Loch Ness. D'erreurs, etc. Voilà. Et c'est aussi le travail d'un cryptozoologue sérieux de montrer quelle part d'erreurs peut y avoir dans les témoignages. Après, sur les calamars géants, il y a eu une grosse affaire sur les blobs ou un truc comme ça. En fait, en 2012, on a filmé un calamar géant au Japon. Donc ça existe, il fait 12 mètres. Non, mais les calamars géants existent. Ça existe, oui. Voilà. Mais il y a eu pas mal de choses qui se sont échouées sur les plages, qui étaient des sortes de trucs gélatineux dégueulasses qui ressemblaient à des kraken. Et en fait, il a été prouvé que c'était des bouts de... Comment on appelle ça? Des bouts d'or. Parce qu'ils ont un truc dans le cerveau qui ne se décompose quasiment pas. Et qui s'échoue sur les plages. Voilà. Ah. Très bien. Bah, mais c'est aussi, voilà, ça, c'est aussi un travail du cryptozoologue que de chercher quelle erreur peut y avoir dans le témoignage. On attend les experts, c'est ça, cryptozoologie, du coup, ça serait classe. Ouais, je pense que ça marchera moyen, mais. C'est rigolo. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant dans le cryptozoologue, quand il est sérieux en tout cas, qui est. Parce que le problème, c'est que les scientifiques ont tendance à discréditer tout ce qui est témoignage. En tout cas, dans la partie zoologie. Tout de suite, il y a un témoignage d'un truc qui a l'air un peu chelou. Bon, on considère que c'est de la merde. Il y a eu, par exemple, très peu d'études sérieuses sur le Yeti. Alors qu'il y a énormément de témoignages. Il y a énormément de conneries dans les témoignages. Sans doute, quasiment tous les témoignages sont des conneries. Je ne savais pas qu'il avait deux dos à l'époque. C'est ça. C'est ça. Mais maintenant, peut-être que la cryptozoologie va avancer énormément grâce à Whoopi. Mais il y a peut-être quelque chose d'intéressant qui est de remettre les scientifiques à leur place de scientifiques, de leur dire, les gars, arrêtez de croire que vous savez tout alors qu'il y a des espèces qu'on ne connaît pas. Je dis pas que la cryptozoologie a raison. Non, mais t'as le droit, Steven, d'aller sur le nouvel ordre mondial. Du coup, voilà, un petit tour d'horizon de la cryptozoologie. On va pouvoir rentrer en détail dans les cryptides. Oui, rentrer dans les cryptides. Faire l'amour au Kraken. C'est sale. Et on va, avant cela, Steven, es-tu prêt ? Ah bah, toujours. À faire ton quiz. Exactement. Attends, mais les gars, plus d'entrain, on fait le quiz, merde. Je suis content. Ouais, c'est super, voilà. Tout le monde. Monsieur. Ouais, quoi ? Vas-y, parle. Qu'est-ce que tu veux ? Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse le passage. Vas-y, dépêche-toi, pose-moi ta question. Top, qui suis-je ? Je suis un animateur de France 3, je suis déguisé en noir. Mon émission passe tous les soirs à 18h35, je pose des questions à des champions. Je suis... Tu es Julien Lepers, c'est ça ? Oui, c'est ça, je suis Julien Lepers. Bien. Stavro, rapporte-nous des bières, s'il te plaît. Peut-on préciser que Julien Lepers est sans doute un cryptide lui aussi ? On pense tous que c'est un homme, mais je pense que ça fait longtemps qu'on aura dû se rendre compte que cet homme ne vieillissait pas. Mais c'est vrai qu'on le voit de face, mais on n'a pas dit que c'était un Yeti, attention. Ah, c'est vrai. C'est peut-être un Chewbacca. Un Ok, on peut commencer à cocher le Yeti, déjà, c'est pas Julien Lepers. Prenez des notes chez vous, il y aura un quiz à la fin. C'est ça. Et vous pourrez gagner quelque chose. Alors, ce quiz. En effet, je me suis collé au quiz. Alors, Alexis, tu es à côté de moi, tu vas regarder les réponses comme un gros sale parce Tout que je fait. Te connais. Comment je peux faire ? Je ne peux pas faire, donc tu vas enlever tes lunettes. Non, mais je note les points, je veux pas. Et allez, Stavro fait tomber les bières, tout va bien. Alors, j'ai fait un quiz en trois parties parce que voilà, formation universitaire oblige. Une première partie, zoo ou crypto. Je vais vous citer des animaux, il faut savoir si c'est des vrais animaux ou des animaux crypto. Fantasmés, cryptides. Ensuite, il y aura une partie Yeti ou Jospin. Je vais donner des qualificatifs. Il faut savoir si c'est le Yeti ou si c'est Jospin. Suite au quiz, c'était quoi que j'avais fait ? C'est Gandalf ou Chirac. Gandalf ou Chirac. Gandalf. Voilà. Parce que voilà. Parce qu'on aime bien les politiques des années 2000. C'est ça. Les grandes figures. 2000 et avant aussi. Et enfin, je crois que j'ai fait un quiz. Ouais. Dont la réponse contient Kra ou Ken. Ça promet des belles blagues. Au Kraken. Il n'y a pas trop de blagues. Ah bon, alors, là, c'est pas rigolo. Alors, tu comptes les points. Chacun pour sa gueule. Chacun pour. Évidemment. Vous êtes trois à jouer, donc si on fait des équipes, ça va être équilibré. Alors, première partie du quiz. Allez. Zoo ou crypto. Première question. L'homme ours-porc, créature mi-homme, mi-ours-porc, chassé par Al Gore. Crypto. Non, ça c'est crypto, ça. Ça existe c'est pas, crypto, ce truc-là. C'est dans South Park. C'est dans South Park, effectivement. Saison 10, épisode 6. Al Gore chasse l'homme ours-porc, créature mi-homme, mi-ours derrière. On a tous un point là, du coup ? Vous avez tous un point. Okay. Ah ouais, ça, c'est pas de la vitesse, c'est genre chacun donne son avis. Bah oui, quand même. Ok, d'accord. Oh, c'est nul. Après, ce sera de la vitesse. D'accord. Deuxième question. Le serpent pénis, qui est un amphibie, un amphibie respirant par la peau, qui peut atteindre une longueur de 75 cm. Ça fait du beau. C'est pénis. Vénère quand même. Hein. Et qui tire ce nom de sa ressemblance frappante avec le pénis humain. Zoo. En 2011, seuls deux individus de cette espèce étaient connus. J'ai le temps d'aller voir sur YouPorn ou pas ? Non. Non. J'aurais dû aller voir. Non, on va dire Zoo, je pense que c'est un truc. Ouais. Je sais, Alexis doit connaître ça en fait. Donc, c'est vrai. Zoo. C'est vrai, c'est un animal. Le serpent pénis donc il s'appelle. Et alors quoi, il a une tête de bite. Eh ben, c'est ça. Alors vous irez voir chez vous, tapez serpent pénis sur Google. C'est impressionnant. Très facilement. Une bite avec une bouche par contre. Ouais, c'est ça. Bah avec une sorte d'urètre qui s'ouvre. Ouais. Mais ça ressemble vraiment à une bite. C'est ça le karaoké que t'as. Mais c'est plus violet un peu, tu vois. Ok. Comme si on t'avait un peu trop. Ah, ça ressemble à la mienne. Voilà. Ah bah peut-être. Alors si on pouvait ne pas avoir cette image, ça me. Oui. Alors troisième question, le cerf huppé, qui est un petit cervidé, vivant dans les forêts nord de la Chine, qui possède des canines surdéveloppées qui le font ressembler à une sorte de cerf vampire. Le cerupé, non. Cerupé ? Non, on dirait un mauvais jeu de mots. Non, moi je dis crypto. C'est une connerie, ça. Et aussi, bah, Alexis a raison parce que ça existe. Le cerupé. Mais il voit les réponses, évidemment. Non, non, qu'il a raison. Non, forcément, ça aide, hein. Ouais, c'est vrai, bah, du coup j'essaie de. Non, mais c'est pour ça que j'avais mis ça, c'est parce que je vois pas. D'accord. Non, mais au pied, moi on triche pas au moins. Voilà. Quatrième. C'est quoi les scores là ? Il y a 3. 2-2. Ok. J'ai 3 points. Troisième animal. Je gagne. Ah bah du coup on en a parlé. Laurent Pandek. Ah. Un singe bipède d'environ 1m50 avec une peau rose tirant sur le brun et couverte d'une fourrure rase sombre et coiffée d'une longue crinière de poils tombant sur son dos. Le néerlandais Van quelque chose a raconté sa rencontre avec un Laurent Pandek. Le néerlandais armé d'un fusil. C'est Laurent Houtan breton. Incapable de tirer sur la créature qui semblait humaine et il déclare: j'ai eu l'impression que j'allais commettre un meurtre. Ouh. Ça existe pas, ça. Ça existe. Ça existe pas, Laurent Pandek. Et bah, ou pire raison, parce que pour le moment, Laurent Pandek est toujours. J'ai regardé Yeti, où es-tu en même temps cet après-midi, c'était dans le documentaire. Et oui. J'ai pas un grand mérite. Bah, par contre, il y a plein de mecs qui font des espèces de reconstitutions de Laurent Pandek. C'est très très moche. Hein. Il y a des gens qui ont c'est ça chez eux. Ouais. Ils font des espèces de mioches comme ça, mais des mioches très très poilus. Avec des visages lunaires dégueulasses, complètement. Ah, des portugais, on appelle ça Hopi. Oh. Alors non. Cinquième question. Le vélociraptor australien. Ou césoar. Très difficile à observer, le césoar à casque est un très grand oiseau d'environ 1m80, pesant jusqu'à 75 kg. Au plumage ressemblant à une chevelure noire rêche avec un casque vert brun qui surplombe la tête. Un cou et une face bleue, une nuque verte avec ça deux caroncules de rouges pendant sur le cou. Les pattes sont aussi grosses et puissantes. Terminées par trois doigts, le doigt intérieur porte une griffe aussi dangereuse qu'un poignard. On dirait un téléachat avec ton truc là. C'est Zo. Non, crypto, ça existe Zo. Pas ça. Je voulais dire crypto moi. Et bah ça existe. Allez. Le césoar existe et c'est un des animaux les plus dangereux de la planète. Le césoar. L'Australie, on a envie d'y aller. L'Australie, il y a que des césoar ou jamais avec Frédéric Teddy. Sixième question, la loutre tueuse irlandaise. Ça, c'est un crypto. Ça, c'est crypto. Petit animal aquatique et agressif, ressemblant à une loutre ou un chien, vivant principalement dans les eaux irlandaises. Cet animal est remarquable en ce qu'il nage extrêmement vite. Alors ? C'est crypto. Crypto, parce que loutre et agressif, c'est pas possible. La loutre, il y a rien de plus. Moi, je dis ça existe. Eh ben, ça n'existe pas. Le cryptide le plus pourri du monde. Les mecs, ils inventent un animal, c'est une loutre, quoi. Super. Ouais. Enculé d'Irlandais. Il manque plus que le panda. Il y a des gens qui paraît-il, ont été tués par la loutre tueuse irlandaise. Comment il s'appelle, le Coupachou Dobarcho. Le Dobarcho. Dobarcho. Septième question, le balador. Animal. Animal politique. Animal politique doté d'un goitre qui lui permet de dissimuler ses comptes de campagne. Le balador a pu être observé distribuant des baladurettes dans les années 90 avant de disparaître presque totalement. Non, c'est un crypto. C'est un. En même temps, j'ai envie de dire ça. Ouais, un peu, mais crypto. Le croisement d'un homme et d'un pélican. Ouais, non, mais. Eh ben, le balador existe. Non, attendez. Il a fait campagne contre Chirac. Ouais, c'est pas comme ça qu'il s'appelait. Il s'appelait Baladur. Balador. Super. Ça existe. Alexis a un point. Non, c'est scandaleux. Non, alors là, parce que là, il peut y avoir réclamation, je pense. Hein. Bah, il y aura, mais c'est moi qui décide. Voilà, on passe à la deuxième partie du quiz. La démocratie. Qui s'appelle le Yeti ou Lyonnais Jospin. Donc là, c'est de la rapidité. C'est de la rapidité si tu veux. Il faut justifier après. Comme c'est la dernière fois. Oui, il faut justifier. D'accord. Donc, huitième question. Tu veux faire un point sur le score peut-être. Ouais, vas-y. Il y a c'est bien, 3 c'est points bien fait. Pour Stavro. Comment ça? 3 points pour Hopi et 6 points pour Alexis. Nous, Hopi et moi, on joue ensemble donc ça fait 6-6. Donc c'est bon. On rappelle que c'est Alexis qui note les scores. Alors, à toutes fins utiles. Et huitième question, il est très difficile à observer. C'est quoi ça, Yeti ou Lionel Jospin? Yeti. Bah Yeti. Ouais. Jospin, j'ai une dédicace de Jospin donc. Jospin aujourd'hui est très difficile à observer. Il se cache dans les buissons de l'île de Ré. Et voilà, il est très localisé, on peut pas le voir aujourd'hui. Bah j'ai une dédicace l'année dernière. Ils sont difficiles tous les deux dans ce cas-là. T'as un témoignage de comment on peut avoir des poils de Yeti. Dans ce cas-là, c'est les deux. C'est les deux, évidemment. C'est les deux. Ok, bah personne n'a le point. Bah ouais, donc personne n'a le point. Question numéro 9, il apparaît au cinéma. Les deux. Le Yeti. Les deux, ouais, c'est vrai. Jospin, il apparaît. Il apparraît dans Le Nom des gens. Le Nom des gens. Qui est un film assez remarquable parce qu'on voit Sarah Forestier à poil et ça m'a. Qui Sarah Forestier? C'est qui Sarah Forestier? C'est une actrice française qui est plutôt jolie. Non mais il joue pour de vrai. C'est lui qui joue. C'est lui qui joue. Il joue son propre rôle. Ouais. En fait, la fille, elle est de gauche, elle couche avec des mecs de droite pour les convertir. Et après, t'oses nous dire que le mec, il est difficile à trouver, il s'affiche même au cinéma? Allez, c'est vrai que là, il y a réclamation. Le Yeti s'affiche au cinéma tout autant. Putain, ouais, mais c'est pas le vrai, tu vois. Il joue pas son propre rôle. Ou alors, on sait pas. Non, parce qu'on le voit toujours de face. Il a pas de dos. c'est des doublures, tout ça. Donc là, je sais plus, tu mets les points. Moi, j'avais raison. C'est Stavro, ouais. Ouais, c'est Stavro. Alors, question numéro 10. La marque automobile Skoda a nommé un SUV en son honneur. Yeti. Bah, le Yeti, sans doute. SUV Jospin. J'ai envie d'y croire, mais hélas. Le Yeti, la Skoda Yeti. C'est Hopi qui a répondu en premier, je crois. Ouais, c'est Hopi, ouais. Je sais pas. J'aurais bien aimé qu'il y ait une Skoda Jospin. Franchement, Renault, si tu nous écoutes, Carlos Ghosn, si tu nous entends, fais-nous la Renault Jospin. Mais c'est vrai que ce serait étonnant. Mais ce serait beau. Ils en produiraient 4 exemplaires. Il faudra des lunettes. Et elle arrêterait l'automobile dès qu'elle cale. Question numéro 11. Il n'a pas fait la guerre d'Algérie. Les deux. Ah, c'est à moi raison. On rappelle que Jospin a commencé son engagement politique contre la guerre d'Algérie. Et qu'il l'a fait ensuite. Bah non, il l'a pas fait. Ah, d'accord. Bah, Tu perds ton point. Non, attendez. Non, j'ai gagné mon point. Alexis l'a déjà noté, c'est trop tard. C'est du papier qui coûte cher. Alors, en parlant de la guerre d'Algérie, question numéro 12. Oh, merde. Toujours Yeti ou Jospin, il est plus humain que Jean-Marie Le Pen. Les deux. Yeti. Ah bah les deux. Les deux. On rappelle que le Yeti est mi-singe, mi-homme. Ça reste plus humain que Jean-Marie Le Pen. qui va le point? C'est bon. C'est un bon. C'est sûrement moi. Ouais, c'est lui. C'est sûrement moi. Question 6, 4, je prends la numéro tête. 13. Il, je cite, assume pleinement la responsabilité politique. Jean-Pierre. Ah, c'est Alexis Houpi là. Alors je vais citer la phrase quand même parce que c'est beau. Je donne à Houpi. Il assume pleinement la responsabilité de cet échec et en tire les conclusions en se retirant de la vie politique. Le Yeti en temps n'a jamais été dans la vie politique. Peut-être que dans le temps il y était, qu'il s'est retiré. C'est après vrai. C'est une phrase qu'il répète tous les jours chez lui. Quoi. Tous les jours tout seul dans sa grotte. Question numéro 14. Il a toujours les cheveux blancs. Yeti. Les deux. Ah non, bah non, Yeti. C'est Jospin. Et c'est Jospin. C'est Jospin. Et Houpi a raison parce que le Yeti a les poils bruns. Eh ouais. Ah. Et Houpi a un point. Note, Alexis, parce que tu notes tes points, mais tu n'as pas les points Houpi, des autres. Houpi, il est fort, on est à 6 partout. Je suis calère Yeti. On est à 6 partout, je note les points. Question numéro 15. Certaines théories affirment qu'il est un descendant de l'homme de Néandertal. Yeti. Les deux. Ah bah non, pas les deux. Le Yeti, évidemment. Merde. Parce que l'homme de Néandertal n'a pas de descendance aujourd'hui. Ah merde. Ah putain, la blague de paléontologue. Et ouais, il fallait être calé, les gars. Si vous êtes paléontologue, vous devez être mort de rire. Tous les autres, vous avez senti un peu ce flottement gênant. C'est un peu ça, la magie, aussi. Alors, on passe à la dernière partie du quiz. Ok, Krauken. Il faut répondre... Krauken. La réponse contient... un mot... Enfin, la réponse contient Krauken. Ah, d'accord, la réponse contient. Question numéro 16. Son nom de baptême est Kal-El, mais il en a changé en arrivant sur Terre. Oh. Clark Kent. Exactement. Ah, putain, bien joué. Clark Kent. Ouh là là, c'est vénère, il faut avoir l'esprit vif. Dès qu'il s'agit des puceaux, moi je suis là, vous inquiétez pas. Je suis à la vodka, les mecs. Hein. Calmez-vous. Oh, j'arrive aussi. Ah bah d'ailleurs, on a bientôt buté la première bouteille de Macon. Il va falloir en ouvrir une autre. Question numéro du 7. Du 7. Non, ça existe pas ça. Ça existe dans le Nord. C'est un survivant. Ken. Ken le survivant. Ken le survivant, bien sûr. Stavro est vif. Je suis vif comme l'éclair. L'école du haut couteau cuisine. Question numéro 18. Un jeu de course PS1 mettant à l'honneur la Subaru Impreza. Gran Turismo? Non. Non, c'est pas un jeu connu. Bah en plus, la Subaru Impreza en Gran Turismo, c'est pas terrible. Par contre, c'est bien sur le sable. C'est bien sur le sable? Pensez sable. Colin McRae. Colin McRae Rally. Voilà. Yakra. Macra Rally, ouais. Eh ouais. Putain. Je donne Colin le point à Stavro. C'est un scandale en plus. Le jeu, tout le monde l'a oublié. Mais bien sûr que non. Tout le monde a joué à ce jeu. Mis à part Colin McRae. Nous, on jouait à Toka. Ils en ont sorti 6 ou 7. Oui, hein, j'en sais rien, me regarde pas. Après, ils ont sorti Dirt. Question numéro 19. Un jeu de baston sur PS1. Tekken. Allez, j'ai vif. Celui-là, je l'avais vu un peu de loin, je m'étais préparé un peu. Question numéro 20. Si ce pays commençait par un T, ce serait un ver solitaire. Oh putain, la colle. Ce serait un ver solitaire. Ce pays. Alors attends, donne-nous un continent là. L'Afrique. Forcément, ver solitaire. ouais. Bah pensez ver solitaire. Kenya. Ah bah oui, le Kenya. Ah bah oui, oh là là, le Kenya. Putain la vache, le quiz. 21. Bah, oh, putain, c'est, ouais, t'as raison, ouais, enchaîne vite, ouais. C'est à la hauteur de tes quiz. J'ai essayé de penser Stavro pendant que je faisais. Ah bah c'est, ça me fait plaisir. 21, un auteur de SF raciste. Lovecraft. Ah bien, ouais, si, ouais, premier sur le racisme. Question numéro 22, et je pense que Stavro est avantagé. C'est une question musicale. Une chanson de Francky Vincent. Attendez, quand même. Pensez. Francky Vincent. Pensez cuisine. C'est ma cousine. Ah non, c'est pas ta cousine. Ah, Acraboudin. Acraboudin. Ah, non, mais personne ne connaît ça. Je ne connais pas cette chanson. J'ai un extrait. Ah, allez, vas-y. C'est ça. Des acras, y avait des acras. Y a qui ça. Boutin, y avait du boutin. Du quoi? Des acras, y avait des acras. Oh là là là là là. Ça va jamais? Non. Allez. Elle a sa salle de tomber dessus. Une des meilleures chansons. Elle de est géniale, cette chanson de Francky Vincent. Je vous conseille de l'écouter. Une des meilleures chansons de. Oui, ça pose un peu une carrière du coup. je vois des perspectives nouvelles. Non, mais du coup, j'ai réécouté toutes ces chansons. Oula, monsieur pousse la vie un peu loin. Tu as écouté Francky Vincent, le restaurant? Ah non. Invention du gangsta zouk, hein, je vous conseille. Ah, ça a l'air bien. C'est génial. Non, mais cette chanson de Francky Vincent a l'air assez horrible. Si vous avez vraiment que ça à foutre, allez sur YouTube, tapez Acraboudin. Et vous verrez que le mec s'est pas trop fait chier. Il y a merde tous les trois mots. Okay. C'était une soirée de merde organisée par un organisme de merde. Et j'étais habillé comme une merde. Et il y avait des acras et des boudins. Et les femmes étaient des boudins aussi. Il fallait qu'ils touchent son boudin. Enfin bref. Vraiment vous en arrivez à écouter ça, vous pouvez appeler SOS Amitié derrière, je pense. Parce moi je connaissais la chanson avant le quiz, donc merci quoi. D'ailleurs, j'y ai pensé grâce à toi parce que tu nous la chantais en cours, je me rappelle, en cours d'histoire. Oula. Ah. Et oui. Voilà, une belle. L'histoire de la chanson. Avec un grand cul, quoi. L'histoire de la chanson, c'est Francky Vincent qui se plaint d'avoir fait une soirée antillaise et il y avait que du Colombo, des acras et des boudins et ça le gonfle. C'est vrai que c'est relou. Au Colombo, question après, numéro 5ème saison. Vous l'avez un peu la blague? Ouais, vous l'avez. L'organisme du démon selon les dieudonistes. La Lycra. Ah, bien joué, ça. Bâtard. Putain, j'étais encore sur Jospin, moi j'étais là quoi? Non. 24. En parlant complotiste, un personnage assassiné par le FBI. Kennedy. On l'a dit en même temps. Non, tu l'as dit avant moi. Bon, moi je voulais être sympa. Et c'est quoi les scores avant la fin là? Il y a 12 points pour Stavro. Allez. 7 points pour Hopi et 9 points pour Alexis. Oh, je vous ai aidé à la traîne. J'ai fait. Ouais. Non, mais c'est quoi ce comeback là qu'on n'a pas vu venir? Il a fait un gros comeback. Il a pris 8 points d'un coup là. Non, mais sur les Kraken, il a géré. Ouais. Ouais, mais sur les questions rapidité de trucs de merde, il est assez bon. Ah, dès qu'il y a des jeux de mots nuls, je suis là. Question numéro 25, il y a des réponses que je ne pourrais pas accepter. Ah. Ah bon? Ce que fait actuellement Zaza en Tunisie? Ah bah non, il ken. Non, il ken pas. Je ne peux pas accepter il ken. Par contre, je peux accepter il ne ken pas. Ouais. Ah. Mais trop tard. Il crapahute. Pas mal. C'est mignon un peu, non? Crapahute, ouais. je prends. J'avais il bicrave. Parce que, très certainement. Mais par contre, non, il ne ken pas. Zaza, si tu nous entends, puisque tu nous entends, tu ne kennes pas. C'est, on te le dit. Tu putain, ne kennes pas. Allez, c'est avant... affreux, il va tellement faire la gueule ce pauvre garçon. Avant dernière question de ce quiz, une blague offerte aux auditeurs de ZQSD, c'est comme. La bite à Jika. Mais je crois quand même. Ah putain, la bite à Jika. Oh, de merde. Non, la bite à la Lycra. Alors, sur la dernière question, il y a une petite subtilité. Attention. Ouh. Est-ce un super banco? Tu veux dire aussi subtil que Francky Vincent ou est-ce qu'il faut que je me prépare? C'est quoi les scores? Elle vaut combien de points cette question-là pour savoir si. Il y a 12-9-9. Allez, elle vaut 4 points. Comme ça, si vous pouvez gagner. Elle vaut 5 points. Attention. Ah, c'est maintenant. Si Ken et Barbie étaient un hentai. Kraken et Barbie. Ouais, bien joué. Kraken et Barbie. Mon dieu. Donc je gagne. Kraken Ken Barbie. Ah, Kraken Ken Barbie, c'est pas mal. 17-9-9. Allez. Et voilà, ce quiz est terminé avec une victoire écrasante de Stavro. De Stavro. Ah oui, bah, merci. Bravo. Maman, si tu m'écoutes, c'est pour toi. Et oui. Putain, merde. J'ai connu des dédicaces un peu moins sinistres. Du coup, on va passer au truc d'après, à la partie d'après. Voilà, au truc d'après. Au truc d'après. Allez, on passe quoi. L'axe 2, quoi. Voilà, merde. Let no joyful voice be heard. Let no man look up at the sky with hope. And let this day be cursed by we who ready to wake. The Kraken! Et oui, The Kraken, incroyable. Vous aurez reconnu la soupe aux choux. C'est Pirates des Caraïbes 2. Exactement. Donc, au moment, le passage avec le Kraken, passage emblématique du c'est film. Quoi le titre le premier, Pirates c'est des Caraïbes 2. Non, c'est Dead's Manchest. Ah, et oui, travaillé. Bah ouais, je suis comme ça. Puis j'aime beaucoup Pirates des Caraïbes, c'est une série géniale. Donc le 5 arrive bientôt, tenez-vous prêts. C'est vrai. Bien oui. Entièrement pompé sur Monkey Island, moi je c'est vrai. Pirates des Caraïbes. Ah oui, c'est vrai que tu vois, oui. Mais quand même, Guybrush aurait-il fait un bon héros de film, je ne suis pas sûr. Non, mais c'est pas grave. Mais sérieusement, ils font un 5? Oui, oui, hélas, oui. Oh, avec Orlando Bloom, avec Jack, Jack le machin, là, Jack Sparrow. Putain, ils seront bientôt en déambulateur, les mecs. Ça va être des guerres épiques, des abordages, mon gars. Il va falloir des rampes handicapées pour qu'ils montent sur les navires d'à côté. J'ai envie de voir le un Kraken. Un stana pour monter. Le Kraken en déambulateur, ça peut être classe. Ouais. Et donc, on parle dans cette seconde partie du podcast de deux figures de la cryptozoologie, deux cryptides, le Kraken et le Yeti. Ah. Ça sera un mini versus, mais bon, voilà, pas plus que ça, hein, parce qu'on n'a pas beaucoup travaillé. Alors, qu'est-ce que c'est le Yeti? Qu'est-ce que c'est le Kraken? Commençons par le Kraken, parce que j'ai envie. Parce qu'on a déjà parlé du Yeti tout à l'heure, en fait. Le Kraken, alors, je sors mes petites feuilles, mes petites fiches. Ça vient des légendes scandinaves. Et ah, oui, comme toutes les bonnes choses. C'est la première ligne de Wikipédia, je l'ai lu celle-là aussi. Et oui. En fait, ils n'avaient pas de forme définie pour le Kraken quand il était en mode légende. C'est juste un truc dans l'eau qui était vachement gros. Quand il était un peu à la surface, son dos ressemblait à une île. Donc les gens pouvaient dire ah bah il y a une île là-bas, on va s'asseoir. En fait non, c'était une mauvaise idée parce que c'était un Kraken. Et oui, j'aime bien être précis. Voilà, il y a Kraken. Pas grand chose. Mais parce que le Kraken il était stationnaire en mode je non bouge non pas, mais je bon, bon parfois il se reposait bah, parfois comme il faisait tout le monde. La sieste tu vois ouais. Ah. Et c'est seulement au 18e siècle que le Kraken sera fixé dans sa forme comme pieuvre géante, calamar géant quoi. Avant on sait pas trop. Voilà, donc bah c'est alors, assez ouais. Récent finalement l'idée du Kraken qu'on voit comme dans Pirates des Caraïbes. Les légendes scandinaves elles datent de quand déjà, on sait pas. 16e siècle. OK. Donc peut-être que 16e siècle ah bon c'était absolument pas une pieuvre. Non non, si j'ai lu ça quelque part. En fait, j'ai regardé un documentaire sur le Kraken d'une Kraken mythe ou réalité. Ouais. J'ai pas regardé, ça avait l'air un peu nul. Ah, c'était pourri, c'était moi, une émission. Je l'ai laissé tourner. C'était une émission américaine où il y a une équipe de 4 personnes, je crois, il y a un biologiste et puis 3 autres connards qui n'ont rien à voir qui essaient de trouver le Kraken pour le ramener je sais pas trop où. Ils essaient de le ramener à la vie. Ah mais c'est un documentaire, c'est Ma cité va Kraken, c'est ça c'est... Pardon. Non, tan, c'est tan, tan, tan. Merci. Et en fait ouais, ils cherchent le Kraken. Alors il y a le biologiste qui dit ouais, peut-être c'est un calamar, peut-être c'est une pieuvre, un truc comme ça. Et le mec il dit ouais, faudrait que ce soit un mélange de tout, comme ça ça peut-être serait super c'est la Guadeloupe. Et après ils le cherchent. Alors ils vont plonger et tout, mais pas vraiment parce que Kraken, bon, ils ont peu, pas les budgets. C'est un peu un medley des animaux marins quoi. C'est, ouais c'est ça. C'est un best-of. Quoi dire d'autre? Bah maintenant il est grand, enfin c'est un truc où on imagine 30 mètres avec des tentacules qui est méchant, qui rôde depuis des millénaires et qu'on a encore jamais vu. Alors on a vu par contre des calamars géants. Là au début on pensait que ça n'existait ouais pas, mais ça existe. Donc est-ce que c'est des kraken ou pas? Pas vraiment, mais c'est des petits kraken. 18 mètres quand même. Petit. Petit mais kraken quoi. T'as un calamar de 18 mètres qui commence à te. Ouais, mais voilà. Le truc c'est que les calamars c'est relativement inoffensif, même si ça fait 18 mètres. Le Kraken c'est quand même la bête super méchante qui vient détruire des navires. Au 18e siècle, après, le Kraken était méchant listé dans le règne animal, c'est un petit peu, tu vois. Il défend son territoire quoi. Alexis non, Bardot. Quand tu viens détruire des navires, c'est que t'es méchant. Il passe sur son territoire. Et donc, ouais, le Kraken était au 18e siècle dans le dictionnaire de Linné. Linné, c'est un biologiste assez connu. Ah oui, Linné, ouais. Voilà, qui a développé la thèse de Linné et de l'acquis. Non, c'est pas vrai. Juste, merde. Linné, c'est un savant connu au 18e siècle qui a fait beaucoup de recherches sur le monde animal et sur la biologie. Et il listait dans les animaux dont on parlait le Kraken. Ouais. Voilà. Donc comme quoi, à un moment, les gens y croyaient vraiment et ils disaient, bah, le Kraken, on l'a pas encore vu, mais ça existe. En même temps, Linné, dans sa classification, il a mis pas mal de choses qui n'ont rien à voir. À chaque fois qu'il y avait un témoignage d'un animal chelou, bon, il foutait dans sa classification et ça l'arrangeait. Non, le chupacabra, c'était en Amérique, ça ne l'intéressait pas. Parce que finalement, le Kraken, on le définit comme une espèce de bestiole qui a l'air unique, comme ça, genre le monstre du Loch Ness ou quoi, mais les mecs, ils cherchent juste des grands calamars, en fait. Ouais. Parce que, enfin, j'ai l'impression... Il peut y avoir une petite famille de Kraken. Mais on peut en parler maintenant. Une petite famille de Kraken, tu vois. On peut en parler maintenant, mais c'est... C'est le Krakenaken. Comment se reproduit le Kraken? Cette distinction qu'il y a dans toutes les cryptides, c'est espèce ou individu. Steven, oui. Parle-nous d'Aristote. Alors, Aristote, au 3e siècle avant Jésus-Christ... Aristote fait... et le Kraken, je veux voir ce film au cinéma. Dompteur de Kraken. Ça s'appelle Le Choc des Titans, un truc comme ça. Mais, oh là là. En tout cas, oui, Aristote fait la distinction entre les espèces et les individus. En fait, il fait la distinction qu'on utilise aujourd'hui dans toute la biologie et dans tout ce qui concerne la classification en général, entre le genre, l'espèce et l'individu. En effet, si par exemple le Kraken est un individu, ça veut dire qu'il y a un seul Kraken sur Terre. Et c'est donc, triste. C'est chelou pour sa survivance. À moins que le Kraken soit immortel, et là, on... Bah, surtout s'il date du 16e siècle, je pense qu'il est plus très en forme. Alors, il est très vieux. Ouais. Il va commencer... Après, il y a des possibilités. Oui, y a vu des... qu'on le connaît pas, s'il faut... Il ouais. y a des méduses qui sont plus ou moins immortelles, quand même. D'accord. On apprend des choses ce soir. C'est pas des cryptides, c'est des vrais animaux, des méduses qui ont un cycle de vie assez étrange qui est de vieillissement et de rajeunissement ensuite, puis de vieillissement, puis de rajeunissement, et elles sont plus ou moins immortelles. C'est Benjamin Button, quoi. C'est Benjamin Button, mais en version non. méduse, donc. en version le disque est rayé, donc le mec il reste un peu toujours au même. Donc imaginons que le Kraken, peut-être c'est une petite pieuvre, après c'est une grosse pieuvre, après c'est une petite pieuvre, après c'est une grosse pieuvre. Ça marche pas super donc ça. Mais... Soit, ou alors c'est une espèce, le Kraken, donc là il y en a voilà. plein. Il y en a plusieurs et ils se reproduisent entre eux comme à peu près tout le monde. Il y a Jean Kraken, Michel Kraken, enfin voilà. C'est ça. La famille Kraken. Si vous avez mangé des petits calamars hier soir chez le japonais, c'était peut-être le Kraken hein, qui était en train dans sa phase de rétrécissement. Ouais, dans sa phase de descente. Ouais. C'est presque un spermatozoïde de Kraken, mais non. Il y a 5 siècles, il coulait des navires, aujourd'hui il se fait bouffer chez les Chinois. Putain de merde. La déchéance, c'est tragique. On finira tous en maquis. Mais c'est vrai que si le Kraken est un individu, c'est un peu suspect. En revanche, si le Kraken est une espèce, peut-être que c'est le calamar géant, mais en plus agressif. Et en plus grand. Peut-être qu'ils se sont calmés, ça se trouve, ils ont changé de régime politique. Maintenant, ils disent, ouais, les bateaux, c'est pas si mal. Peut-être que les navires, maintenant qu'ils sont en métal, tu vois, t'as plus envie de les bouffer, quoi. Ah, c'est ça. Ça se trouve, le Peut-être qu'on a mis en bois. Péril la survie des Kraken en arrêtant de faire des bateaux en bois. Parce qu'on se rend compte que le Kraken est en dérivé du pivert. Donc le Kraken, voilà, on sait que les calamars et les géants existent, le Kraken, on ne sait pas, hélas. Alors, mais ça vient de la mythologie scandinave, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Bah, rien. Ah, c'est bien, t'as si, travaillé. Attends, tu veux que je te lise c'est Pointax. Attends, je vais te lire si tu veux. Allez, lis-nous ta petite feuille copier-coller de Wikipédia. Alors, il y a un mec en Norvège, il a dit en 1953, on l'appelle Krake, Krax, ou comme disent certains, crabe, nom qui lui est appliqué de préférence. Ce dernier semble en effet s'accorder le mieux avec la description de la créature, qui est ronde, aplatie et pleine de bras ou branches. D'autres l'appellent aussi Horvé, ou saut Horvé, et d'autres Ankertrod, ogre, qui veut dire ogre encre. Hein, Camoulox, non. De tous les auteurs étrangers, anciens et modernes, que j'ai pu rencontrer, aucun ne semble savoir grand chose sur cette créature, ni même en avoir une idée juste. Donc voilà. Il dit, on ne sait pas, c'est ce que je vous avais dit. Il dit pas que ça ressemble à un crabe au début? Ouais, il dit c'est rond et aplati. Mais alors, est-ce qu'on a une vague idée de là où il est censé crécher? Dans la mer. Dans la mer, c'est grand quand même. Ah bah, c'est tout, il y en a pas mal. C'est deux tiers de. Bah, dans tous les océans du monde, voilà, il c'est un rhum. Non, c'est bah, en même temps, c'est scandinave, ça veut dire que c'est quand même plutôt dans le nord. je ne vais pas relever cette plaque. C'est plutôt dans le nord, mais peut-être qu'il n'apparaît que là parce que. Peut-être qu'il a trop chaud. Dans le... Parce que moi, je me suis dit quand même, j'ai cherché un peu le truc. Je me suis dit que c'est quand même une superstar de la mer, tu vois. Le Kraken, c'est un peu le mec, on se dit, bon, s'il coule un navire, c'est sûrement lui. J'ai regardé s'il n'était pas sur des vieilles cartes en fait. Ouais. Tu sais, les vieilles cartes marines où ils dessinent des monstres. Genre, passez pas par là, il y a des Kraken. Voilà, passez pas par là, attention Kraken sur 3 km, tu vois. Faites gaffe. Faut pas y aller. Et j'ai pas trouvé vraiment de Kraken. Les mecs foutent très souvent des gros poulpes, ouais. Mais ils te foutent pas vraiment de Kraken. Bah c'est un peu ça, le Kraken, c'est un gros poulpe. Après c'est vrai qu'ils les foutaient très souvent dans les... vraiment dans les coins un peu asiatiques. Mais après, c'est parce qu'au XIIIe siècle, t'as genre Marco Polo qui a un peu tout défoncé en termes de cartographie et qui était revenu d'Asie en disant putain, il y a des bestioles et tout, elles sont un peu folles, machin. Je pense qu'il a complètement pourri toutes les générations de cartographes à venir. Ouais. Et donc, du coup, ils ont foutu toutes les bestioles, elles étaient là-bas. Donc, le Kraken, moi, selon moi et Marco Polo, ce qui fait quand même deux sources plutôt fiables, je pense que le Kraken est quelque part au large de l'Asie. Ah, c'est beau, bah écoutez. Dans la mer de Chine. Putain, mais Oupi est premier sur la cryptozoologie. Ouais, c'est ça, c'est impressionnant. En fait, je ne voulais pas dire. Je suis cryptozoologue. Alors, ce qui est intéressant dans le Kraken, c'est qu'en général, on le représente comme étant. On en parlera dans, dans le troisième axe. Dans le troisième axe. Ta mère. Dans le troisième axe, comme étant contrôlé par des humains. Est-ce que dans les légendes, il est contrôlé par des humains? Non, il est tout seul, il vit sa vie de petit kraken. Alors, il coule des navires juste. Des nazis, ouais, il coule des nazis. Les nazis avaient des navires. Oui. Mais sachez qu'il y a eu un Hitler contre le kraken, quoi. Ça, c'est allez vrai. Je trouve que ça doit exister. Mais ne spoil pas la FK16. Merde, pardon. Ce qui serait. Il y a eu, par contre, on peut le dire, un navire pendant la Seconde Guerre mondiale qui s'appelait le USS Kraken. Ah, voilà. Ah ouais? Eh oui. Qui a été mis à flot. Voilà, comme quoi. Et d'accord. Il a fait quoi, ce navire? Bah, il a été mis à flot. Ah, c'est, c'est tout. On ne sait pas ce qu'il est devenu. Moi, je suis roi de la sagesse approximative. Je sais un peu les choses. Je sais un peu les choses. Voilà. Donc le Kraken, il est tout seul. Il coule des navires comme ça. Ça suffit. Parce... Et il coule des navires, mais voilà, il vit sa vie de Kraken. Quoi. Il est dans l'océan. Les gens l'emmerdent. Ils disent oh, il est bizarre. Mais lui, qu'est-ce qu'il veut? Rien. Il se déplace avec ses tentacules. Il veut juste communiquer. C'est un moyen pour lui de. C'est... Non, mais... on ne sait pas. Voilà. Il n'a pas d'agenda. Parce qu'après, tu dis qu'il est potentiellement contrôlé par des humains. Mais alors, c'est vrai que j'ai souvenir d'avoir vu ça effectivement dans Pirates des Caraïbes. Mais est-ce qu'il y a des légendes là-dessus qui peuvent relier le Kraken au Landais volant ou un truc comme ça? Je posais la question parce que. Le Landais volant, sacré légende pour la prochaine AFK. On y vient. Mais okay. La AFK 18. D'accord. Sur le Landais volant. J'y reviendrai. J'adore les Hollandais, j'adore dès que ça vole. Je suis même de la situation. On fera les Hollandais contre les volants. Putain, merde. Non, et Steven, tu veux que je te dise quoi? Bah, les gens, sais rien, je te demande. Les gens ne sont pas précises, comme j'ai essayé de te le dire. Même le mec norvégien qu'on a lu, il savait pas. Il a dit, les gens ne savent pas. En effet, on a parlé vite fait des calamars géants et des machins comme ça qui vivent très profondément dans la mer. Qu'on découvre de plus en plus, mais c'est un peu chaud d'y aller. On connaît plus la surface de la Lune que les fonds marins. Ça, c'est assez impressionnant, ouais. On connaît plus le cosmos que la mer. Alors que techniquement, c'est plus proche de nous. J'ai regardé des vidéos cet après-midi, il y avait des trucs hyper chelous. Alors j'ai cherché au début des espèces de calamars, machin. Et j'ai fini par tomber sur le calamar à l'ombra. Vous avez vu ça? Ah, je crois que j'ai vu ça. Le calamar à l'ombra. Donc les mecs te disent qu'ils sont descendus entre 2 et 3 km de profondeur. Ils savent même pas te dire où est-ce qu'ils étaient. Mais en tout cas, ils étaient extrêmement loin. Et tu vois un truc. On dirait un putain d'alien. Vraiment, il a une espèce de tête comme ça qui bouge, genre ses nageoires sur son crâne. Et donc le mec, il bouge un peu comme ça. Et il a dessous une espèce de, je sais pas, une corolle de tentacules. Genre, il a les bras, il fait le grand écart, le mec. Et genre, il fait 8 mètres de diamètre. Et sous chacun de ses bras, il y a des espèces qu'est-ce qu'on peut dire, des lianes, des filaments, j'en sais rien. Il y a des machins, des tentacules qui pendent, en tout cas, au bout de ses bras. Et qui font, eux, 26 mètres sur le modèle qui te montre. Ah ouais. Et qui est, le machin, il est gigantesque et c'est hyper flippant, quoi. Alors après, je sais pas dans quelle mesure c'est un hoax ou quoi, mais en tout cas, il y avait des tonnes de mecs qui se paluchaient comme des dingues devant cette vidéo-là. Et d'ailleurs, en parlant de se palucher, tant qu'à regarder les calamars, j'ai vu un truc sur l'espèce de reproduction des calamars. Ils se collent l'un à l'autre comme ça et en fait, ils s'éjaculent dessus l'un l'autre et en fait, ils te disaient qu'ils retrouvaient des. T'as un mec qui avait un calamar comme ça qui était balèze déjà, il devait faire genre 5-6 mètres de long sur une table, c'est gros, tu vois. Et le mec, il sortait du sperme, genre des yeux. Il était là, oui, alors regardez, là c'est du sperme. Et il retirait des petits bouts de sperme comme ça. Mais les trucs, c'est dégueulasse, ça faisait 15 cm. Ça, ouais, non, il a pris une éjac, c'est rien, tout va bien. C'était dégueulasse. Et ça, c'est à cause de vous. J'ai passé une après-midi effroyable. Imaginez quand le kraken va éjaculer, putain. Le tsunami. C'est peut-être ça. Ouais, c'est peut-être ça. Ouais, bah ouais. Non, c'est vrai qu'au fond de la mer, s'il faut trouver des cryptides, des animaux chelous, c'est au fond de la mer qu'il faut aller chercher. Et c'est là qu'ils vont commencer à faire beaucoup d'expéditions, c'est dans les années à venir. Il commence à avoir plus de budget, donc c'est là que les cryptozoologues voilà. Mais je pense qu'il faut qu'ils boostent les sous-marins, parce que le truc qui résiste pas à la pression, quoi. Oui, c'est ça. Moi, je pensais qu'on avait pas les moyens technologiques de descendre parce qu'il y avait trop de pression et du coup, on les a de plus en plus, quoi. On descend 2-3 mètres tous les 5 ans, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Et on trouve, c'est vrai que. Comme le blobfish, là, ou je sais pas quoi, là. Ouais, on trouve des trucs qui n'ont aucun sens. Ce truc visqueux qui a un espèce de sourire. Ah oui, oh là là! Et ça, c'est au fond de la mer. Et ça se nourrit des poissons morts, en fait, qui tombent. Mais il y a des animaux voilà. vraiment chelous. C'est dégueulasse, c'est entre un smiley raté, un pénis et puis un voisin poivreau. Voilà. C'était extrêmement bizarre à voir, c'était très très perturbant comme image. Attends, c'est vrai que c'est perturbant. On dirait mon père. Oh merde. Non, c'est. Alors, il y a des cryptozoologues qui disent que le kraken, en fait, est. Sans doute, merci. L'origine du kraken, de l'idée en tout cas dans la pop culture qu'on a du kraken, c'est des calamars géants comme ça qui sont échoués sur les côtes. Il y a eu beaucoup de naufrages de navires au 19e siècle par des calamars géants et qui ont été vraiment recensés. On dit ouais, c'était vraiment un calamar géant. Et du coup, on savait que ça existait depuis longtemps, mais ça a été trouvé il y a pas très longtemps. Donc, ouais, ça a nourri le mythe du kraken au 19e siècle, etc. Effectivement. Putain, voilà. Il y a 2-3 calamars géants qui font des conneries, tout de suite on les victimise. Le racisme anti-calamar, et pour tous les calamars qui sont sympas, il y en a deux qui font des conneries, voilà, ça y est. C'est dégueulasse. Après, on en vient au beignet de calamar, c'est un scandale. Mais c'est vrai que ça résout pas la question de pourquoi les navires en fait coulaient. À mon avis, tu prends un calamar géant de 26 mètres, comme vient de dire Roupi, ouais, ça coule un navire. Oui, bien sûr, mais on a vu que les calamars étaient plutôt pacifiques. Non mais ah bon, on a vu ça? Meilleure phrase. On a vu les camarades pacifiques. Et moi je les vois pacifiques parce qu'ils sont morts en général chez les Japonais quoi. Mais non mais pas. Bah c'est parce que tu disais tout à l'heure que c'était plutôt. C'est-à-dire ils sont pas spécialement en train de couler des navires. Je pense que ça les intéresse pas. Non mais même un calamar de 18 mètres pour couler un navire, faut quand même être balèze. Bah les navires du 16e, 17e, 18e siècle. Petite frégate, tu coules un navire avec un animal de 18 mètres. Hein. Déjà une baleine, à mon avis, tu te prends une baleine avec un navire du 16e siècle, tu fais pas le mariole. La baleine du 16e siècle contre la frégate, on est complètement en train de discussion. Au 16e siècle, il y avait des gros bateaux, des bateaux en bois, des bateaux nuls. Bah c'est pas parce que t'es en bois que t'es nul. Mais même aujourd'hui, tu te prends un calamar géant, mon gars, tu chavires. Bah ça dépend, c'est un putain de tanker. Ça dépend, on n'imagine pas la force qu'il peut déployer, tu vois. Et on n'imagine pas la puissance qu'il a pour pousser, quoi. On connaît mal les calamars géants, et c'est triste. Du coup, on a eu des belles discussions, des beaux débats. Et au pire, vraiment, tu t'y connais, toi, sur ce sujet, c'est impressionnant. Ouais, je suis hyper pointu. Tu vas donc pouvoir écrire dans tes revues de cryptozoologue pour ce podcast. Complètement. Et mais du coup, passons, Steven, à ton sujet, tu pourras arrêter de me faire chier et dire que t'as pas travaillé déjà. Le Yeti. Le Yeti à double dos. Ah, le Yeti. Le Yeti est un personnage intéressant parce que je pense que ça fait partie des cryptides les plus connus. C'est une star des cryptides. Parce que le cryptide le plus étudié, peut-être. Un des plus étudiés avec le monstre. L'un des seuls qui pourrait monter les marches de Cannes, en tout cas. Comparé au Kraken. Le Kraken peut les glisser. Ouais. Mais le Yeti, c'est vrai qu'on en a. Tout le monde connaît le Yeti, je pense. Oui, bah grâce à Tintin notamment. Notamment. C'est vrai. Peut-être qu'on en parlera dans le troisième acte. Oui, oui, ouais, mais là, on attend que tu parles, en fait, griller, c'est pour mais... ça. Mais en fait, bah, en gros, le Yeti. C'est un ours. On sait pas ce que c'est. Non, pas vraiment. C'est censé être une sorte de gros singe, mi-humain. Une sorte de gros gorille humain. Un grand singe, ouais. Ouais, un grand singe, mais bipède. Mmh. Il faut savoir que parmi les singes bipèdes, je crois qu'il n'y a que les humains. Ouais. Et il y aurait le Yeti. Le Yeti qui est intéressant parce que, décrit par beaucoup de témoignages, est décrit un peu sur toute la surface de la planète. C'est alors, ça, il y a plein de Yeti en fait. Parce que quand on pense Yeti, nous on pense un truc un peu neigeux, machin. Ouais, au Népal, machin. Alors que pas du tout finalement. Bah, en fait, le Yeti serait, en effet, le Yeti ce serait le. Comment dire? Le singe humain. Du Népal et du Tibet. Ok. Alors qu'il y a plein d'avatars du Yeti sur la planète. Par exemple, le Sasquatch, le Bigfoot. Le Bigfoot est très connu aux États-Unis. Ce serait une sorte de grand singe bipède aux États-Unis. Celui qu'on voit toujours de dos. Le Yeti, c'est vrai qu'il y a à part les sortes de preuves formelles du Yeti, c'est seulement des empreintes et quelques touffes de poils. Comme Shaquille O'Neal. Non, alors que le Bigfoot, il y a des sortes de vidéos, mais il y a aussi l'Almasty au Caucase. Il y a le Hiragon au Japon. Ouais, il y a le Yohi en Australie. Le Bazajoun au Pays Basque. J'habite à côté du Pays Basque, non, pas du tout. Les Basques, j'ai jamais entendu parler de ça, c'est tellement secret, tellement cryptide. Et bah parce que t'es pas dans la confidence, mec. Oh putain, merde. Tu m'enverras tes grands-parents, le Bazajoun. Racontez-moi l'histoire du Bazajoun. Et bah je pense qu'il y a un de tes ancêtres qui l'a croisé. Ok. Bon, donc il y a plein comme ça. Il y en a en Indonésie, il y en a au Brésil, il y en a. Il y a le Laurent Pandec qu'on a vu tout à l'heure, ouais. Dont on a parlé tout à l'heure, qui sacré est Laurent. Une sorte de Yeti en fait. Ouais, avec une face un peu plate, un peu dégueulasse. Voilà. Mais en fait, le Yeti, ce serait une sorte de race, de, soit d'humain, soit de singe, soit de, d'ours, qui serait un peu sur toute la surface de la planète. C'est un peu le grand fantasme de l'autre humain sur la planète. Il y a eu beaucoup de... Là, parce qu'on parle d'homme des neiges, on dit Yeti, c'est l'abominable homme des neiges. Ouais. Coup, alors, il faut savoir que l'abominable homme des neiges, c'est une ça erreur vient, de traduction. Ouais, d'une erreur de traduction, comme le comme vient de l'Alexis. Ah bon, c'était quoi? Parce que ouais, je me demandais pourquoi est-ce qu'il était abominable, le mec, il est ségrégué directement. Et bah en fait, je crois que abominable, ça vient de singe. Ouais, c'est un truc comme ça, c'est mot... En fait, en... Abominable, ça vient de singe, vous êtes sûr de ça? Non, en fait, ça vient pas. O, c'est un O qui s'est transformé en C, tu vois, les mecs, ils ont mal recopié. Non, ça prend aucun sens, mais oui, vas-y. Bah, tu vois, il non, est en okay, dans, ouais. dans la langue de, ah, oui, des Tibétains. Donc, ah, des Tibétains, oui, bien oui, sûr. Voilà. Ce serait l'homme singe des neiges coup, qui a été oui. traduit par abominable homme des neiges. Et du coup, il devient abominable alors qu'en fait. En même temps, je pense vrai. Que. Je sais pas à quelle époque ils ont commencé à en parler, mais je pense que de tout temps, la presse a aimé les scandales. Tu parles de l'homme singe des neiges, tout le monde s'en branle. Tu dis qu'il est abominable, tout d'un coup, oui. il a l'air mystérieux. Ça fait vendre du papier, tu c'est vois. C'est un journaliste qui ça fait vendre des quais. Mais bien sûr, je m'y connais en scandale. Et donc, quand est-ce, il y a une bonne question, quand est-ce qu'on a commencé à parler du Yeti? Le Yeti, je crois que c'est dans les années 50. Ah, c'est rageux. Et alors pourquoi c'est... ce nom pourri? Ouais, mais en Occident. Et bah, Yeti. En Occident, ouais. Parce que les Tibétains, ils en parlent depuis super, ah, super genre longtemps. Le 16e siècle, un truc comme ça, quoi, tu vois. Ah ouais. C'est très très vieux. 16e siècle ou 6e? 6e. 6e. Ah, il est c'est plus très, vieux que le Kraken alors. Ah ouais, il est super vieux. Ok. Il est super vieux. Et de. Voilà, si sous le nom Yeti, on met en fait tout ce qui est sorte d'homme-singe ou singe bipède. Singe bipède en singe général. Bipède. Ouais, y a de tout temps, on a des témoignages d'hommes, enfin de singes bipèdes. D'accord. Mais ce serait peut-être un fantasme de l'homme qui ne veut pas être la seule espèce de son genre humain sur Terre. Ah. Ce serait intéressant. J'ai pas vu ça comme ça. Parce que c'est vrai qu'on en trouve aussi c'est en vrai. Australie, enfin partout quoi, dans des même au Pays Basque. Donc là ça devient. Tu vois, le mec voulait leur propre Yeti. Quoi. Autant dans j'en l'Himalaya, ai vu des vieux poilus qui étaient un peu louches au Pays Basque, mais je suis pas sûr que ce soit des Yeti. Hein. Autant dans l'Himalaya, je veux bien croire qu'on connaisse pas tout dans l'Himalaya. Ouais. Au Pays Basque, quand même, je pense qu'on a ratissé quand même. Non, on a ouais. Mais en tout cas, sur toute la planète, on a des témoignages d'hommes singes. C'est louche. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois, il y a quand même une crédibilité scientifique de l'homme singe ou du Yeti, parce que à chaque fois qu'on trouve une nouvelle espèce humaine, type Néandertal ou des trucs plus récents. Ouais, il y en a une il n'y a pas si longtemps, là, le ouais, Duna, Dunici. Je sais plus comment il s'appelle, mais ouais, jusqu'à. J'ai vu ça dans leur espèce de théorie du buisson dans Yeti Wetu, là. Ouais. J'ai rien compris, très, mais très récemment... ça avait l'air, c'était saisissant. Les mecs avaient découvert un nouvel homme, comme ça. Spontanément, ils l'ont sorti de leur poche. Bah, spontanément. Non, pas spontanément, non, mais je sais bien, je dis ça, je. Parce mais que on j'ai envie trouve... de décrédibiliser les cryptozoologues. J'ai fait connard, je ne suis pas un garçon sympathique. Hein. Spontanément, non, parce qu'on trouve, en effet des races humaines. Qui ne sont pas descendants d'Homo sapiens, mais qui sont, par exemple, l'homme de Néandertal n'est pas descendant d'Homo sapiens, mais concomitant avec Homo sapiens. Oh là là, ça commence à partir en débat Arte. Et ce sont des hommes différents. Donc, il y a des. Ah, y a pas de gamme. Différents. Très récemment, et c'est ça que raconte le documentaire Yeti. Yeti. Il y a deux universités qui ont lancé une sorte de grande campagne du Yeti ou du Bigfoot. Une chasse au Yeti. Ouais, voilà. Il fallait ramener des trucs qu'on pouvait analyser du ah point oui, de vue des génétique. Poils. Ouais, c'est des Suisses qui ont lancé ça. C'est dire ouais. à quel point c'est sérieux. Les Suisses s'y sont mis et tout d'un coup, eux, ils sont arrivés en disant ramenez des poils, les mecs, arrêtez vos vidéos à la con. Et en 2013, il y a eu une étude. Enfin, il y a eu en tout cas ils un ont trouvé résultat. Des poils, non ils ont trouvé des poils qui venaient de l'Himalaya chèvre. Et qui seraient des poils ressemblant à l'ours polaire, mais à un ancêtre préhistorique de l'ours polaire. Donc, ah oui, a... attends, ça c'est la deuxième étude. C'est une première étude qui était très sérieuse et ils étaient quasiment sûrs d'aboutir à un truc. Et en fait, c'était une chèvre qui pensait qu'elle était disparue depuis genre 4000 ans. La chèvre de 4000 ans, ouais, la chèvre. Le combat contre le Yeti et le Chewbacabra. C'est ça. Et en fait, ils ont, c'était ça. Et après, il y a eu une deuxième série de poils qui est arrivée et qui là était celle-ci. C'est très précis. Putain, les mecs récoltent des touffes de poils. Ouais, on en ça, est là. Ils analysent des touffes de poils. Mais en tout cas, le Yeti, s'il existe, a plus de chances d'être un ours. Qu'un singe. D'accord. C'est ce un serait ours une sorte d'ancien ours polaire de, très situé quand même. Qui est redevenu un singe, qui dit bah il a changé bah, de voix quoi. Très situé, oui et non, parce que tu dis qu'il est partout dans le monde. Non, parce que là ils l'ont trouvé seulement dans l'Himalaya. D'accord. Après, ce serait un Sasquatch, un Bigfoot, ce serait d'autres choses. En même temps, si c'est un ours polaire dans les hauteurs de l'Himalaya, il fait peut-être le même temps que. comme Antarctique, etc. Oui, mais ça marche pas comme ça, en fait. Oui, non, mais Alexis, le bon sens, bah, s'il fait froid là, et qu'il fait froid, bah, ouais, là, bah, voilà, ouais. Casse pas les couilles. Parce que chez nous, quand on parle du Yeti, on est d'accord qu'on parle pas, on englobe pas toutes ces potentielles races. On englobe vraiment que qui marche dans la neige, quoi. C'est la question. Soit ça marche dans la neige, soit c'est une race d'hommes ou de singes qui se cachent et qui, dans ce cas-là, et c'est adapté à l'ensemble de la planète, tout comme l'homme s'est adapté à l'ensemble de la planète. Ouais. Il y a des Tibétains, il y a des Américains, pourquoi pas, il y aurait des Yétis et des Bigfoot. Ouais. De la même manière, il y a des ours ou des singes qui seraient blancs dans l'Himalaya et des ours ou des singes qui seraient noirs aux États-Unis ou au Pays Basque. Parce que pour être allé skier de temps en temps dans les Pyrénées, tu vois souvent des gens avec des espèces de moon boots à frange. Il faudrait pas confondre non plus. Ce sont plus, pas hein. des Yétis. C'est alors, juste des touristes, tu vois. Skier dans les Pyrénées, c'est plus facile que skier dans l'Himalaya, quand même. D'accord, peut-être. Ouais. Sans doute. Certainement. Et à noter que chez les Tibétains et les Népalais, il y a beaucoup de reliques, etc. Ah ouais. Ah les reliques, c'est encore mieux que le Saint-Prépuce. Hein. Ouais. Ah bah oui. Alors c'est quoi les reliques Des reliques de quoi, de Yétis? Oui, il y a des scalps de Yétis. Génial. Ouais, des scalps de Yeti qui portent du coup en tant que chapeau, tu vois, verser du rhum une deuxième fois pendant les jours saints de je sais pas ce que c'est, des fêtes religieuses, ce genre de choses, je pense. Ouais, des fêtes de tibétains, quoi. Ouais, voilà. La Saint Yeti. Et donc ils se mettent des scalps. Moi, ce que j'aime dans cette émission, c'est qu'on est pointu, tu ouais, vois, c'est ça. Ouais, c'est ça. L'information, tu vois. On est voilà. Donc ils se mettent les scalps de Yeti sur la gueule et puis ils défilent dans leur ville, dans leur contrée, dans leur cité, dans leur hameau. Et puis ils ont aussi une main de Il y a une Yeti. Main momifiée de Yeti. Oui. Oh et qui vache. A d'ailleurs été analysée par Bernard Heuvelmans. Ah. Et il a dit. T'as vu ça? Alors. Ouais, j'avais lu. Mais je me rappelle c'est legit ou c'est pas legit alors? Non, c'est pas. En gros, la main, c'est pas du tout une main, c'est des. C'est des dents de baleine. En fait, confondu une main de Yeti et une dent de baleine. Oui, parce que le nerf. Bah, c'est-à-dire, quand t'es au Tibet, les baleines, tu sais pas trop quoi. Ouais, non, en fait, ce qu'il y a, c'est que les nerfs, c'est des dents qui sont hyper longs. En fait, ça faisait les doigts, tu vois. Ah. Et comme la baleine, c'est très grand, ça faisait la main, tu vois. Et en gros, les dents formaient l'ossature. Ils sont combien les Tibétains? Où est-ce qu'ils sont allés trouver une dent de baleine? Et ça bien, reste un autre vrai mystère, tu vois. Il y a une deuxième enquête derrière. C'est Marco Polo. C'est ton foire. Il a chassé le Kraken, après il a chassé le Yeti. Il a tout pourri. Il a fait le tour du monde, il a acheté des trucs un peu partout. Non, cas, je vais bien la niquer. Ça, c'est mon slip, les mecs, ils vont croire que c'est une peau de. La peau d'un léopard. Non, c'est juste des taches sur un vieux slip. Quoi. Putain, c'est l'histoire du sensuaire que tu racontes, c'est génial. Bah ouais. En tout cas, c'est vrai qu'il y a des. Il y a pas mal de monastères de tibétains qui disposent de reliques du Yeti. Je vais lire le slip de Marco Polo. Et ils vénèrent ces reliques ou pas du tout? Non, ils vénèrent ces reliques. Ah ouais, non, mais le tibétain vénère, mais pas trop quand même. On dit ils vénèrent, mais quel tibétain? C'est quoi? C'est les tibétains non, c'est ceux les... qui foutent des chapeaux d'alu sur la gueule qui attendent les autres? Non, ça c'est pas des tibétains, c'est des occidentaux qui vont au Tibet. D'accord. Ouais. Les tibétains, okay. c'est en gros des bouddhistes quoi. C'est pour ça qu'ils vénèrent pas trop, parce qu'ils sont bouddhistes. Mais en même temps, c'est quand même des trucs le un peu. Le bouddhiste ne vénère jamais trop. Hein. Il finit par dire on s'en bat les couilles. Il attend. Voilà, il dit de toute façon, tout ça c'est la même chose. Prie. Le nirvana. Voilà. Mais en même temps, c'est un peu. On est fort en bouddhisme. En même temps, c'est remarqué. Un peu. Ils connaissent la qualité de rareté des scalps de Yeti, donc ils les gardent. Dans l'expédition des années 50, là où on a trouvé des traces de soi-disant de Yeti. C'est l'extrait qu'on a entendu tout à l'heure. L'extrait exactement qu'on a entendu tout à l'heure. Notre monstre préféré, Yeti. Dans la neige, les Occidentaux tout de suite ont dit ouais, bah c'est peut-être des gens, c'est peut-être des ours. Et les mecs qui étaient là pour les guider, ils ont dit non, les gars, c'est Yeti. Et là, les mecs ils se sont chiés dessus quand même. Parce que Yeti, c'est autrement rigolo qu'un homme. Ah, ça dépend, peut-être qu'ils sont sympas, on sait pas. Certainement qu'ils sont très gentils parce qu'en tout cas ils ont jamais attaqué personne. C'est vrai. C'est vrai. Et donc ils ont des cousins, Sasquatch, Bigfoot qui sont. C'est la même merde. Tout ça. Bah, la même merde. Je sais pas si c'est des cousins ou si c'est la même espèce ou si c'est. Je ne sais pas. C'est vrai que ça rejoint un peu la théorie de. Enfin, comment dire. Le fait que comme nous les hommes on soit tu vois éparpillés sur toute la planète à l'origine, tu vois. Ça pourrait très bien être ça et que. Ouais, mais ce qui est chelou c'est que quand même ils sont sur toute la planète. Mais ils se cachent quand même drôlement, quoi. Partout sur la planète, on ne les trouve pas. C'est même au Pays Basque. Instinct. Et là, moi, je doute un peu. Et c'était au Pays Basque espagnol, tu vois. Tu sais pas. Parce que les Espagnols sont moins développés scientifiquement. Non, du tout, mais c'est plus montagneux. Est-ce que dans la Genoa, il y avait un Yeti et un Kraken? Non. Bon, bah voilà. Ah oui, le kraken résiste normalement, plus ou moins. Il était sous l'arche de Noé, c'est vrai. L'inondation. Ah, ça le dérange pas, lui, c'est un dimanche. Et tout en haut de l'Himalaya. Oui. J'ai pas la Bible exactement en tête, mais peut-être que l'inondation ne va pas tout en haut de l'Himalaya. Ce qui expliquerait qu'il y ait très peu d'yétis. Parce que ceux qui étaient en bas, qui étaient partis chercher des cerises, ils sont ken. Alors que les autres. Je sais pas s'il y a des cerises peinards, dans l'Himalaya en fait. Non, bah, des cerises. Non, mais c'est. Alors, tu veux dire que les mecs qui restent plantés sur leur corniche, ils sont là, ok, on me voit pas là, on me voit pas. C'est ça. Qui est un peu parano, tu vois. Non, mais le mec qui a décidé d'aller tout en haut, tu vois, l'alpiniste yéti. En même temps, s'il a le poil tout blanc. Le yéti alpiniste. Le yéti alpiniste. Non. Il a le poil tout blanc, il ferme les yeux, il est caché quoi, c'est bon. C'est n'importe quoi. Non, c'est vrai. Tu me vois pas. C'est pas. Tu me dis n'importe quoi. Ok, je crois qu'on est en train de se perdre. Ouais, voilà, bon, on a fait. Est-ce qu'on... On a bien trop longuement parlé du Yeti, je pense. Est-ce qu'on a fait le tour de ces deux figures? En fait, il n'y a pas grand chose à dire. On a fait le tour comme le Dahu. Non, ah. Il n'y a pas grand chose de fiable en fait dans ce source parce que bah, c'est caché forcément. Donc il y a que des... Donc, même nous, on sait pas. Il y a des injonctions, enfin non, il y a des suppositions, il y a des études, il y a tout, mais en soi, il y a pas vraiment beaucoup à se mettre sous la dent quand on veut en apprendre plus sur le Yeti ou sur le Kraken parce qu'il y a moi, ce que j'aimerais, de revendages YouTube un peu nuls. C'est que les cryptozoologues soient plus anthropologues que zoologues. C'est-à-dire que... Alors, refais ta phrase. C'est-à-dire qu'ils étudient plus. Ils étudient plus pourquoi on s'intéresse à cette créature qui n'existe pas ou qui peut-être n'existe pas que à chercher absolument des touffes de Yeti, quoi. J'aimerais que... Ça passe de la socio presque aussi. Ouais, Yeti, de la sociologie ou de... Bah, ce serait pas trop sociologique, mais anthropologique, au sens où pourquoi le Yeti, on a besoin d'avoir une créature comme ça, une sorte de gros singe qui nous ressemble énormément, mais qui se cache et qui vit dans la savane ou dans les montagnes. Pourquoi on a besoin de ça, de cet autre humain, plus qu'aller chercher des touffes de Yeti parce qu'on s'emmerde. Ouais, mais c'est pas leur travail. Ils sont crypto-zoologues. Donc leur travail, Moi, j'aimerais des crypto-zoo-anthropologues. Ah. Voilà, je le dis. Putain. Ok, il faut te lancer, mec. Tu serais le premier, Steven. Peut-être. Tu seras tout seul. Hein. C'est une idée de thèse. Ouais. C'est une idée de thèse et ce serait classe. Je pense que je vais pas trouver de financement. C'est peut-être pas la meilleure, oui, c'est ça, c'est ce que j'allais dire. Mais bon, tu fais de la philo, t'auras jamais de financement. C'est vrai. Donc tant qu'à faire, autant parler du Yeti plutôt que de Kant. Voilà. Non, je crois que t'as vu le Yeti, je crois, une fois, mais il a fait un livre dessus. Ouais. Moi, j'ai pas de blague en fait. Putain de merde. La chute la plus triste du monde. Oui. Eh bien, c'est l'heure. Nous sommes tombés assez bas. D'écouter, comme les Yeti qui étaient pas chercher des cerises, l'heure de chercher, d'écouter et donc de chercher à comprendre ce que veut dire Zaza dans cette chanson, puisqu'on va écouter cette nouvelle chanson. Zaza nous est revenu avec un enregistrement en direct du Maghreb pour nous faire plaisir. Donc, la chanson parle. Suite à la dernière fucking kermesse, il y a eu des soucis, les gens ont dit on était racistes et tout, c'était pas bien. Comment du coup, ça Zaza a dit on va leur répondre, et il leur a répondu de la plus façon qui soit, c'est-à-dire en musique. Musique, maestro, Charlie Oleg. J'aimerais dédicacer cette chanson à tous les défenseurs de la bien-pensance, à qui on aimerait dire qu'on est désolé. Et on est désolé si on vous paraît raciste, si ça crée des tollés à chaque fois qu'on entre en piste. Mais pour le politiquement correct, fallait aller chez Stéphane Bern quand on DL sa petite FK direct. On se la ferme. Si toi, cher petit auditeur, est offensé par nos volitions, fais-toi sonder en profondeur. T'as sûrement un balai tout au fion, non? On n'est pas homophobe, c'est quoi cette remarque de PD? Le provocateur, c'est notre job, c'est pas devant toi qu'on va céder. Mais n'aura t'on jamais de cesse, viens dire en face, c'est qu'un yom qui pourra se plaindre de la kermesse. T'avais qui va cliquer sur nous en somme, t'es con avec notre patronyme. Mais que tu t'attendais à quoi? Un gangbang d'enfants anonymes. Mais on n'est pas au Nigeria, pour toi non, on n'est pas là. Là où Akbar toi et laisse nourrir, vrai qu'on taille pas trop les Chinois. C'est parce qu'ils sont drôles sans rien dire. À t'écouter, faudrait qu'on sorte que des FK aseptisés. Mais à l'heure où Didier prend la porte, on doit tous se sentir visés. On est désolé si on vous paraît raciste, si ça crée des tollés À chaque fois qu'on entend piste, tu veux du politiquement correct. Désolé, mais ça c'est pas nous qui casse la tienne. Ce qu'on te dit t'affecte, t'as qu'à retourner chez Hanouna. En fait, on n'est pas vraiment désolé. Je crois qu'on l'avait compris. Je dirais même pas du tout en fait. On est désolé. Tout le monde, comme ça. Ah, merci Zaza. Merci Zaza. Je tiens à préciser que je ne suis qu'invité. Hein. À chaque fois que tu es là, Zaza se surpasse dans le borderline. Ouais, toi, effectivement. La vie Patrick sur le djihad. Ouais, ouais, mais c'est quand même beau. Un arabe qui, depuis la Tunisie, défend tes blagues racistes. C'est vrai que là, il y a un beau réseau qui s'est mis en place. Donc merci Zaza pour c'est ça qu'on appelle l'intégration, non? Merci pour cet instant musical, Zaza. Donc j'espère c'était que très beau. Les auditeurs qui nous s'étaient plaints ont eu une réponse qui leur convient. Voilà, donc ça c'est fait. On peut du coup continuer gaiement. Du coup, troisième partie, ce qu'on... ça passe vite, on sait, mais en même temps, c'est un sujet assez velu, hein, c'est rigolo. Assez tentaculaire, excellent, il ne s'arrête plus. Du coup, il y a peu de choses à dire, mais on essaie quand même de faire une petite tour d'horizon pour vous apprendre les us et les coutumes de cette discipline. Et donc, on passe à la partie la plus intéressante selon nous, selon notre optique, c'est les cryptides et la cryptozoologie dans la pop culture. Voilà, dans les films, dans les livres, dans les séries, dans les papapa, tout ça. Alors, comment on les voit? Est-ce qu'il y en a beaucoup des films avec des yétis, des kraken et d'autres trucs, des dahus? Ou pas? Il y a Tintin. Ah bah, commençons par là. Tintin. Donc on a dit que Evil Man, c'était pote avec Hergé, du coup il lui a parlé du yéti. Du coup, dans Tintin au Tibet, il y a un yéti. Yéti, tout à fait. Je me souviens même c'est plus une espèce de complot pour essayer d'installer cette figure complètement fantasmée pour qu'il puisse décrocher des financements. Non, mais c'est dégueulasse. Là, ça rejoint ce que disait Steven tout à l'heure. En fait, la figure du Yeti dans le, je sais pas si vous vous rappelez de Tintin au Tibet. Évidemment. Non. Mais en fait, le Yeti enlève Chang, enfin récupère Chang, alors ça commence bien. Qui n'avait pas eu le temps d'être sauvé par les alpinistes. Ouais. Il est déclaré mort. En fait. C'est ça. Au début de l'album, il est déclaré mort et Tintin fait un rêve comme quoi il est pas mort. Voilà. Tintin, il est prophète. Et en fait, ouais. En fait, il est récupéré par le Yeti et Chang à la fin de l'album, quand Tintin le retrouve. Spoil, hein, désolé, mais bon, c'est un peu. Oui, c'est sorti dans les années 80, je crois. Donc. On peut spoiler Hergé, je pense. Hein. Ouais, encore 80, t'es. Moi, non, c'est avant. C'est les années 40 même. Ouais, c'est possible. Ouais. Tintin au Congo, c'est les années 40, c'est sûr. Et donc, Chang dit à Tintin, mais justement, le Yeti était gentil avec moi, il avait toutes les attitudes d'un homme, etc. Et donc, du coup, ça rejoint, je pense qu'Hergé, enfin, je sais pas si c'est une interprétation, mais Hergé avait peut-être cette figure-là du Yeti en tant qu'homme, homme-singe un peu. Ouais, mais ce qui est intéressant, c'est que Hergé, qui a eu pas mal de polémiques à cause justement de Tintin au Congo, dont parlait Stavro. Une sale histoire ce bouquin. C'est vrai que c'est pas c'est très pas, beau. C'est pas beau. C'est un concentré de racisme colonial. Ça dépend des versions. C'est sûr. Parce qu'en fait, tout a été réécrit. Hein. Je sais pas si. Ouais. J'ai vachement lu du coup cet après-midi pour préparer l'émission. Tintin au Congo, t'as lu? Ouais. Ah, ouais. Non, mais le. ça, il préparait Anna. Sa page Wikipédia. Il voilà. Préparait son émission. Allez. Et en fait, il y a plein de questions. Enfin, en gros, à un moment, Tintin, si je ne m'abuse, est professeur dans une école avec des petits Congolais. Et en gros, c'est genre la Belgique, c'est votre pays, c'est votre nation, tout ça. Et ça a été changé après plus tard en alors 2 plus 2 égale 4, etc. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui ont été changés qui paraissaient un petit peu border à l'époque. C'est vrai. Bah, mais maintenant. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des analyses de l'œuvre de Hergé qui disent que Tintin au Tibet, c'est une sorte de mea culpa d'Hergé qui oui, dit qu'en fait, il est pas raciste et il est ouvert à l'autre. Il est tellement ouvert. Qu'il est ouvert au Yeti. À inventer le Yeti. Voilà. À prêter du crédit. Il est ouvert au Yeti, au Congolais un peu moins, mais le Yeti ça va. Bah, le Yeti est blanc. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Le Yeti est fourrure blanche. Non, alors dans Tintin au Tibet, le Yeti n'est pas blanc. Le Yeti est brun. Et brun, oui. Et après, pour défendre Hergé, même si c'est pas forcément. Fin, oui, vois, bah oui, entre. Voilà. En gros, faut aussi savoir que Tintin au Tibet, c'est le premier album qu'il travaille en amont sur. Forcément, le folklore avec l'Himalaya, il travaille en amont. Avec le folklore local, etc. Il se documente vraiment. C'est vrai qu'il se documente énormément. Alors que les premiers albums, il fait pour le journal du soir. Si jamais, c'est le 20e. Bah, c'est une j'en sais foutre. Mais c'est absolument pas. Publié, et là, il s'en fout totalement de d'où il envoie Tintin, il le fait à l'arrache, etc. Donc, du coup, il est pas documenté. Ce qui... Tintin à l'arrache, il n'existe pas celui-là. À l'arrache. D'accord. Donc, ça, c'est une grosse œuvre culturelle pour le Yeti. Est-ce qu'il y en a une pour le Kraken aussi importante? J'ai pas l'impression. J'ai beaucoup cherché pour le Kraken. Il y a un film de merde sorti en 2006, un téléfilm, déjà, ça indique la qualité du truc, qui s'appelle Kraken 2. Le monstre des profondeurs. Je l'ai regardé très rapidement, c'était un Kraken, il est très beau, hein, on dirait un calamar géant, mais même pas un Kraken, juste un calamar géant, mais en CGI dégueulasse, en 3D pas belle. Et des gens qui sont sur un bateau et qui se font miskin, comme diraient les jeunes, par le Kraken. Ouais. Donc c'est nul, c'est nul à chier. Mais est-ce que Cthulhu, c'est une question à se poser. C'est pas une image du Kraken, quoi. Cthulhu, c'est une espèce de gros Kraken du cosmos, quoi. Ouais, voilà, mais je crois que Lovecraft avait lu le. En fait, le Kraken, ça vient d'un sonnet du 19e siècle qui s'appelle The Kraken. Un sonnet, voilà, d'un. Je sais plus comment il s'appelle l'auteur, mais on s'en un fout. Un poète à la con. Voilà, de anglais. Et Lovecraft a lu ce sonnet, donc peut-être qu'il s'est inspiré de là pour Cthulhu, effectivement, c'est possible. Parce que le sonnet parle d'un monstre millénaire qui sommeille au fond des océans. Ah bah, voilà. Du coup, mais ouais. Après, malgré tout, je pense que l'image du Kraken, pour nous, ça renvoie surtout à 20 000 lieues sous la mer, quoi. Je veux dire, l'attaque du Nautilus par une espèce de calamar gigantesque qui veut tout défoncer. Je pense que c'est un truc qui a installé, peut-être pas le nom du Kraken, mais en tout cas, la menace du calamar géant dans les esprits, tu vois. C'est vrai, c'était une grosse référence littéraire, c'est mieux sous les mers, Jules Verne. Jules Verne, brave garçon. Un brave homme. Donc il y a eu ça, il y a eu Lovecraft, Jules Verne. Ah, c'est encore mieux qu'Hergé quand même, le Kraken, c'est déjà un peu plus classe que l'Yeti, on peut s'en rendre compte. Hein, que nous on a des auteurs autrement plus classe. Lovecraft parle du Yeti. Hein. Eh oui. Ah merde. Oui. C'est vrai ? Oui, tout à fait. Notamment dans. Il name drop le Yeti ? Vraiment ? Dans L'Abominable Homme des Neiges, qui est une nouvelle de Lovecraft. De Lovecraft, dans celui qui chuchotait dans les ténèbres. Le recueil. Et il y a même deux nouvelles. Donc il y a L'Abominable Homme des Neiges et Mingo de Lovecraft. Bah mais nous il a fait L'Appel de Cthulhu. Donc... Ouais mais Cthulhu c'est pas... C'était comme le Kraken. C'était comme le Yeti. C'est le père du Kraken. Ouais, c'est ça ouais. Il y a eu quoi d'autre à prendre en référence? Il y a eu des films sur le Yeti, Steven. Alors sur le Yeti, ça a été une des plus tristes découvertes pour moi. J'ai pas envie que tu cites ce premier truc. Alors le problème c'est qu'il n'y a pas de bons films sur le Yeti. Vraiment, j'ai cherché, j'ai pas trouvé de bons films. J'ai trouvé La Momie 3. Il y a le Yeti dans La Momie 3. Ouais, il y a 3. T'as vu La Momie 3, Oupi? Non. Ah, mais ça, merci. Il y a 3 ou 4 Yeti qui viennent défendre un temple. Ah, ils sont 4. Ouais. C'est un gang de Yeti, quoi. Et ils sont plutôt vénères et plutôt méchants. Après, il y a pas mal de films de Yeti merde. Yeti vénère, on dirait une espèce de groupe de hip-hop. C'est vrai. Il y a pas mal de films de merde dans les années 70, du genre Snow Beast, ou Le Loup-Garou et le Yeti. Oh! Qui sont l'un contre l'autre. Ah, ok, en versus. Et bon, c'est plutôt nul à chier. Il y a Yeti, Giant of the 20th Century. Ah, tu m'as montré un extrait de ça, c'est ça? Ouais, c'est ça que je t'ai envoyé. C'est incroyable. C'est un Yeti, mais en mode géant. Ok. Il fait, je sais pas, genre 10 mètres de haut. Mais c'est pas vraiment un Yeti, c'est plus un homme, bah c'est poilu. C'est un homme très très poilu, mais de 10 mètres de haut. Et voilà. Il est énervé, quoi. Il n'y a pas de différence avec King Kong, finalement. Il est pas super. Bah. King Kong, c'est vraiment un gorille. Ouais, d'accord, il est moins simiesque. Alors que dans Yeti Giant of the 20th Century, c'est un homme déguisé en Yeti. D'accord. Donc là, il est plus humain. On dirait un humain très poilu. D'accord. Qui est géant et qui est un peu paumé. Et les gens lui tirent dessus parce que. Bah, parce que voilà. Parce qu'il est géant, merde. On n'aime pas les géants. Et voilà. Mais c'est vrai que ça alimente. Tous ces films dont je viens de parler, c'est des téléfilms. Hein. Ouais, il n'y a pas eu de grands films. Ouais, c'est vrai que pour les Yeti, je vois pas. Ouais, de... Non, il n'y a pas vraiment de grands films. Kraken, il y a eu Le Choc des Titans en 1981. Et ensuite le remake en 2010, hein, souvenons-nous. Où Zeus au Poséidon, je sais plus qui dit là. Et Liam Neeson, du coup, dans le remake, le dit. Et ça a fait un très beau mème sur internet. C'était Release the Kraken. Et donc voilà, le Kraken. Et le Kraken est dégueulasse dans le Choc des Titans, le remake. Vous pourrez aller le voir. Il est bipède. Et il a une tête d'homme avec des tentacules. Ah ouais, il est ridicule. Dans le premier. Dans 2010. On est aux frontières du Kraken, quoi. Oui, je vois pas trop comment ça marche du coup. Et ben il a des bras, des jambes ça et des tentacules sur ses en pieds. Plus. Allez, c'est cadeau. Voilà, donc c'est un homme avec des tentacules, quoi. Et oh, des écailles. Il a juste une tête de pieuvre, quoi. Ouais, bah un peu comme David Jones dans Pirates des Caraïbes 2. D'accord. Et ouais, bah du coup, Pirates des Caraïbes 2, voilà, autre référence pour le Kraken. On voit, le Kraken est très bien fait, je trouve, dans ce film-là, ceci dit. On c'est vrai que l'attaque du bateau est magnifique. Là, pour le coup, c'est vraiment l'image canonique du Kraken qu'on a, quoi. L'espèce de bestiole monstrueuse qui peut broyer un navire facilement avec ses tentacules. Et qui est très très énervé. Il est méchant, on sait pas pourquoi il est méchant, mais il est méchant. Il y a un côté, je trouve, comment il s'appelle le monstre dans Star Wars, c'est dans le 6, un truc comme ça. Ah, c'est dans l'astéroïde. Non, dans le truc de sable là. Ah, le ver des sables. C'est un autre cryptide, ça, le ver des sables d'ailleurs. Ouais. Le truc, enfin, tu vois, il y a l'espèce de côté tentacule avec la bouche au centre, etc. Un petit peu, ouais. C'est vrai. Ce côté-là. Après, le Kraken, il y a plus grand chose. Hein. Shadow of the Titan, Pirates des Caraïbes, un téléfilm de merde, et on s'arrête là. Voilà. Mais c'est vrai que les cryptides, globalement, en fait, dans les fictions, alors que. Très peu exploité. C'est des figures qu'on connaît. Le Yeti, le Kraken. C'est des figures très connues, mais qui sont très mal exploitées en général dans les fictions. Mais en fait, c'est. Enfin, mis à part le Kraken, peut-être, mais le Yeti, le simple fait qu'il soit passé dans Tintin et chez Hergé, c'est un truc qui a l'air vieux, quoi. Arrête de sortir ton Yeti, mec. Putain, ça va, on le connaît, c'est bon, il est gros, il est blanc, il est poilu. Je pense que c'est kitsch et ça faisait plus. Ouais, je pense que au moins le Yeti, j'ai tendance à penser qu'il est un peu kitsch, quoi. Mais en plus, on te le présente comme un mec qui est tout le temps en train de se cacher. Je veux dire, bon, il a pas l'air très guerrier, tu vois. Il est pas, ouais. il fait pas trembler les foules. Après, un Yeti assez connu. Personne n'a peur du Yeti, on le voit même pas. Un Yeti assez connu, ça pourrait être le Tauntaun, c'est ça, dans Star Wars épisode 5, sur Hoth, qui récupère Luke et tout. Ouais, c'est une sorte de Yeti, ouais. Qui lui, du coup, est mainstream. C'est carrément le Yeti, même. Bah oui. Bah Chewbacca, du coup. Et Chewbacca est carrément un Bigfoot. Il est Yeti. Les Wookiees, ouais, quoi. C'est vrai que c'est des. Ouais. Mais c'est vrai que... Non, mais les Wookiees, c'est des petits Yetis de poche. Et ouais, et est-ce qu'il y a des Kraken dans Star Wars ? Je ne crois pas. Bah, Alexis t'a dit le monstre de l'épisode 6. Ouais, mais Alexis, il divague. Mais nous, on a Non, mais Star Wars, ça reste un truc quand même très, très humanoïde, quoi. Il y a peu de bestioles. Non, mais comme tu disais, de toute façon, je pense que. Le Kraken est plus impressionnant de toute façon de par sa taille, etc. Enfin, bah, le Yeti, même si tu l'imagines autrement qu'un ours, ça reste une espèce de grand singe ou un. Aussi, de un par truc le un fait, grand, je pense quoi. Que malgré tout, ouais. le Kraken, il véhicule avec lui toute une espèce de folklore. C'est-à-dire que ça va être les fonds marins. Les fonds marins, ils font peur. C'est des calamars. Les calamars, on les connaît pas trop. Non, on les connaît pas trop. Et alors que le Yeti, tout de suite, bon, bah, il est dans les montagnes. Ouais. Et puis l'homme est pas très à l'aise on y dans l'eau. Dans quoi. Les montagnes. C'est ça. Et ça rajoute encore à ça. C'est que lui, il a une capacité de déplacement que toi, tu peux pas du tout atteindre, quoi. Ouais. Pas du tout égalé. Et il est, ouais. T'es foutu contre un Kraken alors que. Non, merci. Alors que t'as pas du tout l'air foutu contre un Yeti, peut-être. Tu te dis, bon, tu vas courir, quoi. Ouais, il est 10 fois plus grand. Le Yeti, il faudrait que les mecs. Dans toutes les. Ouais, dans ok, comment le Kraken, mec, il fait 30 mètres. Il faudrait que les mecs mètres. Te le ressortent, mais en mode super Yeti, tu vois. On te sort une espèce de Superman du Yeti. Bah, normalement, il est censé être comme ça. Hein. Il est censé avoir une force surhumaine, etc. Mais c'est vrai que c'est pas dans ce qu'on voit en général de la dans la fiction, c'est pas trop ce qu'on représente, quoi. Bah parce qu'on l'imagine, il a forcément une espèce d'image de glandeur, tu vois. Bah le mec, il zone dans sa montagne, il a pas l'air menaçant. Le Kraken, contrairement au Kraken bateau, quoi. Donc il est vénère. C'est ça, c'est-à-dire que de base, ouais. Il nourrit une légende un peu plus, je sais pas, t'es en danger déjà quand t'es sur les mers, t'es en bateau, ouais. Tu vois, t'es. Ouais, mais justement, parce que c'est pas un peu trop facile parce que t'es déjà en danger. Et que ça peut être n'importe quoi qui surgisse, tu flippes ta race. Mais là, c'est pas n'importe quoi, c'est un truc de 30 mètres de haut, mec, avec des tentacules. C'est le hentai grandeur nature. C'est-à-dire que de tous les trucs qui puissent arriver, je pense que le Kraken, dans tous les cas, c'est toujours le pire qu'on ait imaginé jusqu'à présent, en tout cas. Après, je sais pas, mais. Parce qu'il a ce côté aussi, tu pourrais t'imaginer, tu vois, qu'en mer, tu puisses te prendre, j'en sais rien, des robots ou des sous-marins géants ou des machins. Mais ça reste des trucs, on va dire, raisonnables, ou du moins qui peuvent être raisonnés. Alors que le Kraken, t'imagines mal que tu puisses communiquer avec lui. Alors que le Yeti, peut-être, tu peux faire des signes des mains, tu vois, genre, vas-y, mec. Tu peux le dompter, quoi. Check, quoi. Murmurer à l'oreille du Yeti. Un feuille papier ciseau. Ouais, c'est ça, tu peux essayer de faire des trucs, quoi. Et le Kraken, et en plus, il est dans le Seigneur des Anneaux. Et ça, c'est pas rien. Ah oui, c'est vrai. Du guetteur de l'eau à l'entrée de la Moria. Ouais. Exact. Ah oui, c'est vrai. Et donc voilà, il y a un Kraken dedans. Dans un tout petit lac. Ouais, c'est il fait c'est ridicule. Oui, c'est un peu bizarre. Ouais. Mais ouais. c'est un copier-coller du Kraken qu'a fait Tolkien, donc ouais. Ouais. Voilà, il est en même temps, est Tolkien là. A récupéré toutes les légendes scandinaves, donc c'est pas étonnant qu'il ait pas ça. Mais pas le Yeti. Quoi parce ça va que Yeti, on s'en fout. Voilà. Donc il a pas le Yeti, on s'en branle. Hergé a-t-il tué le Yeti ? Je pose la question. Hergé a-t-il tué le Yeti ? Je pense que oui. Bah c'est vrai que le Yeti non j'avais pas vu ça comme ça, mais c'est vrai qu'il fait moins peur que le Kraken quand même. Steven, tu veux défendre ton ah non je suis d'accord qu'il fait moins non, peur on est tous d'accord parce que c'est une sorte mais en plus il a l'air d'être à taille humaine, tu vois, c'est une sorte d'alter ego, c'est un autre homme. Ouais, c'est ça. Donc il fait pas super peur, mais en même temps il peut être un peu plus chelou. C'est plus le sauvageon. Ouais. Mais en même temps, le Kraken, il est toujours contrôlé par des hommes dans les fictions. Mais non. Bah, bah, dans si, Pirates des Caraïbes, et dans Le Choc des Titans. Pas dans, pas dans Seigneur des Anneaux. Voilà. Pas dans. Ouais, mais dans Seigneur des Anneaux, alors... tu vas pas dans le lac et puis ça passe. Même, oui. Même dans Jules Verne, quoi, 20 000 lieues sous la mer, bon, c'est pas le Kraken nommément, mais c'est la bestiole, ils la contrôlent pas, ils sont complètement foutus, tu vois, contre le. C'est vrai. Ils sont désemparés, quoi. Et dans Kraken, Monstres des Profondeurs, personne ne contrôle le Kraken. Ouais, mais ils vont le chercher, donc ça ne compte pas. C'est vrai. Bon. Non, je pense que ta théorie du Kraken contrôlé ne marche pas. Voilà. Après. Ah, il marche dans les deux grosses œuvres, quoi. Après, dans les séries B, c'est vrai qu'il n'est pas contrôlé. Après, est-ce qu'il y a d'autres cryptides qui ont eu des films à eux? Même pas, hein, j'ai pas l'impression. Les sirènes. Bah, les sirènes, ouais. Ne serait-ce que la petite sirène, déjà, c'était dans la fiction, alors que t'es chez Andersen, quoi. Sous l'océan. Mais, sous l'océan, ouais, si tu veux. Non, mais bah, même, dans la petite sirène. Le truc sur la licorne, il y en a eu plein, des licornes, on nous en fout partout. Même le loup-garou. Est-ce que le loup-garou est un cryptide? La licorne, c'est la paillette à pas cher du film. Non, mais bien sûr, non. Et le loup-garou? Le loup-garou. Ah, mais c'est pas un cryptide, personne ne s'est dit à un moment ça existe. Ah, oui. Il y a des gens dans vos dents. Il y a des mecs qui. Ah ouais, même le vampire, ouais. Les gens y ont cru aussi, donc ça va être un cryptide aussi quelque part. Plus ouais. Maintenant, mais à une époque c'était un cryptide. C'est vrai qu'à une époque, au XVIIe siècle, il y a beaucoup de témoignages de vampires. Et j'en avais parlé, je crois, dans la FK11. Même Voltaire a un article vampire dans son dictionnaire philosophique. D'accord. On croit à l'existence du vampire et c'est un cryptide assez flippant. Mais encore une fois, c'est un homme, donc il fait flipper aussi parce que c'est une sorte d'être humain. Mais encore une fois, tu vois, le simple fait que le vampire soit repris en masse par la pop culture, ça a tendance à le décrédibiliser en tant que cryptide. Du coup, je pense qu'il n'y a aucun cryptozoologue qui cherche le vampire, en effet. Ouais, c'est ça. Alors que finalement, il n'y a pas encore de film sur la loutre tueuse, je sais pas si dans tu nous as parlé avant. Mais du coup, lui, tu vois, on peut encore se dire peut-être qu'il existe. Ah, ouais, plus c'est mainstream, moins on y croit. Je pense, bah, ouais. Le Dubarchou, il y a des. Parce que justement, on a envie d'un truc qu'on connaît vraiment pas, quoi. En même temps, il n'y a rien de plus mainstream que Pirates des Caraïbes. C'est crypté, c'est intriguant, c'est comme les films porno sur Canal+. C'est crypté, c'est intriguant, tu veux y aller, quoi. C'est vrai, c'est beau, c'est bien. C'est ouais, c'est un peu ça. C'est une belle idée parce que, ouais, non, mais en fait, je suis d'accord, donc j'ai rien à dire. Et dans la sphère du jeu vidéo, comment s'en sort le Kraken? Oh là, le Kraken, c'est dans Edge of Mythology, il y a le Kraken, je crois. Oui, c'est oui, possible, oui. Ouais. Dans Heroes of New Earth, alors MOBA de niche. Hein. Ouais. Comment il est exploité dans Edge of Mythology? C'était une unité à la con, qui est dans une unité marine. Hein. Dans Heroes of New Earth, c'est un personnage, un héros jouable, comme League of Legends, mm-hmm. Donc voilà, le Kraken, il est là. Il fait des ultis, il est cool. Dans Splatoon, c'est assez rigolo, je sais pas si vous connaissez Splatoon sur Wii U, où les personnages incarnent des calamars, justement. Tu peux te transformer momentanément en Kraken. Quand t'es Kraken, t'es invulnérable ou presque. J'ai peu joué à Splatoon, mais bon, vous corrigerez vous-même. T'es genre, ça dure 6 secondes et t'es immortel, quoi. Tu passes en mode Kraken, quoi. C'est un Kraken Nintendo, il est un Kraken choupi, il a pas l'air très. Il est invincible, mais il a pas l'air très méchant. Mais après ça a été un boss dans God of War. Je suis même pas sûr qu'il y ait le Kraken, je crois pas. Donc non, ça n'a pas été un boss si utilisé. Non, je pense qu'il est dans plein de trucs. Hein. Je veux dire, dans l'extension de World of Warcraft qui se passait sous la flotte, je sais plus laquelle c'était, mais en tout cas, t'avais une espèce de Kraken, comme si t'avais une espèce d'énorme tourbillon qui se creusait dans la flotte. Et tu voyais au fond, il y avait un Kraken qui était prêt à te bouffer, qui était en train de tout avaler, de tout défoncer. Là, il était là-dedans, dans les JRPG, il était assez massif. Quand tu prends le bateau, vu que t'as toujours un boss, je crois que t'as deux ou trois Kraken aussi. T'es tout le temps attaqué par une espèce de bestiole. Non, c'est dans Grandia, il y a un Kraken. Je pense que c'est quand même un poncif du jeu vidéo. Hein. Dès qu'il y a un truc marin, on finit par te coller un Kraken ou un machin tentaculaire. C'est un boss, quoi, généralement. Ouais, voilà. Très souvent. Ouais. Alors que le Yeti, dans les jeux vidéo, est plutôt exploité comme quelque chose qu'on chasse. Et ça y est, non, je croyais que t'allais parler de Yeti Sport. Plus tard. Dans Red Dead, par exemple. Dans Red Dead, c'est des Sasquatch. Sasquatch. Il y a aussi des Chupacabra. Dans le DLC, ouais. Ouais. Il y a des. Dans le DLC, c'est assez rigolo d'ailleurs. Dans le DLC Undead Nightmare, t'as une mission comme ça où on te dit, ouais, mec, il y a des Sasquatch, il faut que t'ailles les tuer. Donc toi, tu poses pas la question, t'as reçu la quête, tu vois. Donc tu y vas, tu marches. Tu commences à voir comme ça 1, 2, 3 Sasquatch un peu, tu les flingues et t'arrives sur le. Il y en a un dernier, il y en a un quatrième et le mec il est là, il est assis, il attend, il zone, il a. Et puis le mec il est désespéré, il commence à parler, c'est là que tu te rends compte que lui il parle et le mec il est là, de toute façon bah. Tu viens de buter toute ma famille, donc vas-y, tu peux me tuer aussi. Et c'est un peu triste, mais t'as cet instant où t'as le mec qui était là, putain, mais en fait, ils sont peut-être pas super agressifs, quoi. C'était assez curieux de voir ça. Mais bon, tu le tues, hein, tu le tues quand même, parce que bon, faut quand même pas déconner. Il y a ça aussi dans GTA V, Il y a un Yeti dans GTA 5. Ouais. Si tu finis le jeu à 100%, ouais, tu peux débloquer. Je crois que c'est avec. Je sais plus comment il s'appelle. C'est pas très grave. Franklin. C'est avec Franklin, ouais. Okay. Avec Franklin, tu peux débloquer une mission où tu dois tuer le Bigfoot. Merde. Donc tu vas dans la forêt. Dans la forêt. Et tu dois tuer le Bigfoot. Et tu le tues. Et tu lui tires dessus en tout cas, et tu te rends compte qu'en fait c'est un homme déguisé en Bigfoot. En Bigfoot, merde. Merde. Et donc voilà, et donc à la fin faut le tuer quand même. Ouais. Il y a ça aussi dans Far Cry 4. Ah bah oui, c'est dans ça se passe à l'Himalaya, donc voilà, et tu dois. Et il l'a bien dit, hein, Far Cry 4. Ouais. Non, j'ai pas dit. Tu dois tuer le Yeti, il y a une grosse chasse au Yeti, et pour le coup, le Yeti est plutôt vénère, il court super vite. Et tu dois le tuer avec un certain combo spécial que le jeu t'explique. D'accord. Tu dois lui tirer dans la tête, et puis après, une fois qu'il se cache les yeux, tu lui sautes dessus. Ah, il y a une espèce de rituel de mise à mort, un peu voilà, comme les vampires, ouais, les trucs comme ça. Tu peux pas le tuer seulement en lui tirant dessus, il faut que tu montes sur lui et que tu lui plantes un couteau dans la nuque. Il y a une espèce de tentative de déification un peu du Yeti, quoi. C'est ça, ouais. Il faut, c'est quasi religieux, quoi. Ouais, mais une fois il y en a qu'un, donc il faut le tuer. C'est ça. Ouais. C'est ça. Faut mettre les formes. Et je crois que d'ailleurs dans GTA V aussi, il y a une idée où à la fin il te dit ouais, je suis le dernier de mon espèce, il faut me tuer. Il y a un truc comme ça de je suis le dernier de mon espèce. D'accord. Ou... Parce qu'on dit que les Yetis sont rares, mais c'est assez faux dans la mesure où moi je joue à Hearthstone. Tous les tours 4, tous les tours 4, je vois des Yetis norrois. C'est vrai. Les Yetis, c'est pas très mystérieux. Il y a même des Yetis mécaniques. Et un tour 4, le Yeti c'est imparable, hein. Vous faites une arène, il faut prendre les Yeti dès qu'il y en a un qui se présente. Le un Yeti 4-4, c'est ça, super. C'est une 4-5 qui vaut 4, voilà. C'est une super carte. Dans tous les cas, c'est toujours une bonne carte. Le Yeti il fait le job. Alors, y a pas de Kraken dans Hearthstone. Il est pas hyper. Il y a pas de Kraken, il y a peu de bestioles aquatiques, ouais, effectivement. Ouais. Tout ce qu'ils ont au mieux, c'est des espèces de murlocs qui sont des créatures mi-aquatiques, mi-terrestres, des crocodiles. Ouais, c'est toujours des trucs qui peuvent quand même marcher à un moment. On soupçonne qu'on se bat sur la Terre, il n'y a pas de Kraken. Mais le Yeti s'en sort quand même particulièrement bien dans un jeu que tu as cité, Stavro. Yeti Sport. Tintin en Tibet. Yeti Sport. Ah merde. Ah oui, c'est vrai qu'il y a une adaptation jeu vidéo de Tintin en Tibet. Ouais. Sur Mega Drive. Ouais. Je suis même pas sûr qu'il y ait le Yeti, mais je pense qu'il y aurait. Si, il y a. Ouais. Ouais, et c'est, on voit toujours l'ombre du Yeti qui te poursuit et il faut courir. C'est le dos du Yeti. Mais c'est vrai que dans Yeti Sport, je pense que tout le monde connaît Yeti Sport. Bien sûr. Ah oui, le jeu en flash. On fait du ski avec un Yeti. Bah, tu fais plein de choses en fait. Moi, je me souviens du jeu où tu dois envoyer des pingouins avec ta batte. Ça, c'est le premier. Ensuite, il y en a eu 3 ou 4 comme ça où c'était de plus en plus gore, de plus en plus trash. Ensuite, il y a eu pas mal de choses avec le Yeti qui est toujours ton avatar en fait. Tu joues toujours le Yeti. Ouais. Tu dois soit balancer des pingouins pour qu'une espèce de je sais plus quoi saute sur les pingouins. Il y a aussi un dromadaire qui vient avec une sorte de kalachnikov sur le dos et tu dois tuer des pingouins qui sautent. Qu'il y a une dizaine de jeux Yeti Sport où tu incarnes le Yeti qui tue des autres animaux. C'était la grande mode en 2004, quoi. Yeti Sport au collège, c'était en cours de technologie, on jouait à Yeti Sport. Quoi. Évidemment. Putain la vache. Mais est-ce que c'est bien dès que le Yeti soit là-dedans? Non. Comme l'a dit Oupi, plus il est mainstream et plus il est ridicule, moins on a peur, tu vois. Bah là, c'est le ridicule jusqu'au bout, quoi. En même temps, le Yeti avec une Kalachnikov, j'aimerais pas le croiser. Il y a un Yeti dans World of Warcraft aussi, non? Très certainement, oui. Si, c'est vrai. Ok, putain, très certainement. Vous avez bossé votre sujet, c'est bon. Donc, le Kraken, mais mon Kraken, il y a un rhum qui s'appelle le Kraken, donc ça, c'est clair. Un rhum? Et oui, il y a du rhum qui s'appelle Kraken. Ah, le rhum Kraken, mais il y a des bières Yeti aussi. Ah, mais bon, le rhum, c'est meilleur. Ça se discute. Non, mais voilà. Ce serait une autre FK, rhum versus bière. Il y a des timbres postes à l'effigie du Kraken dans beaucoup de pays, notamment en France, qui ont été issus à un moment donné. Ah ouais? Des timbres Kraken. En France? Je suis sûr. Mais pourquoi? Bah, je suis sûr qu'il y a des timbres Yeti ou des timbres Bigfoot. Il doit y en avoir. Ouais, ok, mais il y en a beaucoup, dans beaucoup de pays, il y a eu des timbres Kraken à un moment donné. Donc voilà. Putain, j'aimerais bien voir la gueule des timbres Kraken La Poste, quoi. Attends, il y a des timbres. La Poste. 50 grammes, s'il vous plaît. Il arrive pas à t'apporter ton colis. Il est là. Et... Après, par contre, j'ai été voir vite fait, comme à mon habitude, dans le porno. Dans les hentai, non, le Kraken. Il doit y avoir des espèces de boss fou qui défonce des vierges. Oui, non, mais oui, je n'ai pas trouvé beaucoup, mais bon, ça existe effectivement. Mais souvent, mais pas, en beaucoup cherché. Pas en vidéo, c'est plus en manga qu'il y a des Kraken, dans les doujinshi comme on dit. Mais le Yeti, par contre, il y a beaucoup de vidéos pendant que le Yeti ou avec des mecs déguisés en Yeti, hein, voilà, qui baissent des gens. Voilà. Ils ont un petit masque d'ours, hein, une petite quelques poils, et puis c'est des Yeti, voilà, et ils baissent. C'est y a rien. Voilà. Ça arrive sûrement dans certaines soirées du 16e, ça aussi. Hein. Alors que voilà, le kraken, c'est rare, mais quand tu le trouves, c'est beau. C'est en hors jeu de tentacules et tout. Alors que le yeti, c'est plus commun dans le porno, mais souvent c'est assez mal fait. Il y en a pas mal dans le taille tentacule justement des kraken. Non, c'est pas des kraken, c'est d'autres choses. C'est souvent c'est des femmes qui ont des tentacules ou des trucs comme ça. C'est pas vraiment de kraken. Les hentai à thème marin sont assez rares, j'ai l'impression. Il faut le dire. Avec des sirènes pourtant non, les moyens de faire des trucs dégueulasses. D'ailleurs j'ai appris l'autre jour l'origine du hentai tentacule. Ah. En fait c'était la censure américaine après quand les Américains t'sais, occupaient le Japon après la Seconde Guerre mondiale. Il y avait une interdiction de montrer des phallus en fait à l'écran. Donc, ils ont toujours des aujourd'hui. Ouais. C'est pour ça que c'est pixelisé. Et du coup les Japonais se sont dit bah tiens on va montrer des tentacules au lieu de montrer des. Mais c'est beaucoup plus vieux parce qu'il y a des vieilles ouais, estampes. Ouais. Je pense que ça a été industrialisé. Il y a plein de vieilles estampes avec des femmes qui baisent avec des poulpes quoi. Oui. Bah, je pense que c'était pour le symbole assez peu subtil au demeurant, mais pour le symbole quand même. Plutôt que de dessiner une bite, le mec s'est dit on va dessiner un tentacule. Oui, et j'ai vu beaucoup de vidéos porno qui se référaient au kraken pour parler du sexe féminin. Ça m'a beaucoup perturbé. Ah bon? Le côté la bouche avec les dents, là, c'est ça que exactement, tu veux dire? Exactement, ouais. Ah, c'est dégueulasse. C'est le film Teeth. Ah, c'est un très mauvais film. Mais Non, c'est pas si mal que ça. Bref, en tout cas, ouais, il y a déjà, mets la main dans le kraken, vous savez ce qu'elle veut dire. Donc, des mecs qui baissent des kraken, en gros. Voilà. C'est ça que t'es en train de dire. Ok. C'est de la cryptozoologie. Cryptozoophilie, pardon. Oui. Où sont les tentacules? Non, bref, on a assez parlé de. Dans ton cul! Pardon, sont partout, les tentacules dans le hentai. C'est ça le but. Bref, voilà. Donc, est-ce qu'il y a d'autres films? Est-ce qu'il y a d'autres cryptides? Le Loch Ness, il y a eu des films, mais vieux. Il n'y en a pas eu de récents. Licorne, ouais, ok, il y a eu des trucs. Le Dahu, il n'y a pas eu de film français sur le Dahu, la chasse au Dahu. Ce serait super bien. Avec Jacques Villeray, je vois bien Jacques Villeray dans Dahu. Tout le village se retourne. Tout le village tombe sur le dos. Le super pouvoir à la con. Dès que le mec il t'appelle Dahu, tu deviens un Dahu. C'est donc, vrai qu'il faudrait financer. Quelqu'un du CNC nous écoute, un projet. Guillaume Canet, si tu nous écoutes, réalise un film français sur le Dahu. Guigui. Ouais, même Debbouze, il fait ça en ce moment, il fait plein de films. Qu'il fasse un film sur le Dahu. Pourquoi j'ai pas mangé mon Dahu, je sais pas quoi. Oh, il a mis 10 ans à faire son film, il va falloir prendre si tôt. Bref, voilà, il y a eu quoi. Il y a rien. Non, cryptide, y a rien. D'ailleurs, en cryptide français, il y avait un cryptide dans la Sarthe ou je sais pas quoi. Une espèce de dragon. Ah oui, il y a un cryptide spécial localisé dans la Sarthe. C'est une espèce de dragon très très moche et qui n'existe que dans la Sarthe. Et très bizarre. Il est non, mais genre la bête du Gévaudan, c'est quand même du Gévaudan, tu vois. Genre c'est vrai. Le pacte des loups, c'était ça, non? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc il y a eu des films français sur des cryptides français, hein, une petite fierté nationale. Ouais. Bah le marsupilami. Est-ce que le marsupilami est un cryptide? Après je sais pas si sérieusement des gens cherchent le marsupilami. Y a-t-il un souci de son? Non, non, non, ça va. Je sais pas. Ok, nickel. Non, oui, le marsupilami. Ouais, est-ce que c'est un cryptide? Pas sûr. Pas sûr qu'il. Ouais, comme. Je suis pas sûr que des gens cherchent le marsupilami. Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Mais je pense que c'est un pur personnage de fiction. Peut-être qu'à une époque, on s'est posé la question en mode. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faut bien distinguer entre les personnages légendaires ou fictionnels et les cryptides qui ont un ancrage. Mais c'est vrai qu'on a préféré inventer des. Parce que le cryptide, ce qui est intéressant et pourquoi les gens cherchent, c'est qu'il y a un côté un peu mythe. Genre, c'est une nouvelle mythologie qu'on se crée, qui est moderne et tout. Tu vois, c'est le témoignage, c'est ce qu'on disait avant. C'est que les gens te disent, on l'a vu. Et les gens, plutôt que de faire des films sur ça, qui ont une base de réalité, ils inventent Godzilla ou trucs comme ça. Ils font des nouveaux cryptides qui ne sont pas réels. Qui sont pas des cryptides pour le coup. Au lieu de se baser, sur des cryptides. Regarde, est-ce que King Kong, c'est pas un espèce d'avatar des hommes des grands singes, etc. quoi, tu vois? Ouais, pourquoi? Ouais, soit. Ça, pour, ça, voir ça peut peut-être s'incarner, tu vois, une extrapolation des genres de Yeti ou ce genre de choses. Une personnification du cryptide par la création, c'est une très bonne question. Voilà, les cahiers du cinéma, tout ça. C'est bien fait. Voilà, putain, on a déjà fini, c'est chaud. Non, attendez, on a plein de choses à dire. On a fini. Ok, mais écoutez, si on a fait le tour. En temps, vraiment, on a galéré pour trouver des sources sur ce sujet-là, quand même. C'est assez pauvre. On s'est donné du mal, mais on n'a pas réussi. Non, mais on fait le combat réel, là, non? C'est pas ça qu'on fait. Ouais. Mais on fait ça, on fait avant, on fait... Non? C'est combat réel direct? Avant, on boit. Ok, bah, on passe au combat réel, met la virgule. Eh les gars, mais qu'il est relou. C'est pas moi. Alexis. Alors, Alexis, tu as fini de jouer? On peut reprendre la fucking kermesse? On arrive dans le dernier axe de l'émission. c'est l'axe le plus attendu, pas par nous, mais peut-être par vous, on ne sait même pas. L'axe du combat réel. T'as pas musique d'ambiance en plus, Steven, pour le combat réel, t'as rien préparé. J'ai ça. Alors, à ma gauche, le Kraken qui est dans l'eau, parce que c'est un Kraken, et le Yeti, il est sur la berge de l'eau, on peut dire, tu vois. Voilà, c'est sur une plage. Ça, le Yeti, une plage gelée, si tu veux. Ça, le Yeti peut combattre. Et donc, il y a un combat, Kraken-Yeti. Bah, le Yeti, il se fait enrouler dans les tentacules, et puis il meurt. Fin du combat. Tellement pas. C'est fini. Mais merci. N'importe quoi. Bah, oui. Tu veux faire quoi contre 25 tentacules de 10 mètres chacune? Ah. Bah tu te caches. Déjà en quoi Non alors tu peux pas te cacher parce qu'avec le réchauffement climatique il y a forcément un moment où la flotte va submerger la terre. Le Yeti il est foutu. Mais l'Himalaya c'est un c'est combat très, au long très cours haut. Tu vois. C'est un combat on au long dit, cours. On mais... a dit tout à l'heure que l'Himalaya était plus haut que le déluge de la Bible. Est-ce que tu crois pas que le mec s'il a des tentacules de 26 mètres qui peut grimper mais hyper vite, hyper vénère. Mais il respire non, pas sous l'eau, il a des bronchies. Oh, mais c'est pas grave, il monte très vite, il le chope, il le noie. Je pense que le Yeti peut grimper tellement haut et qu'il peut dépasser la stratosphère. Non, mais là, tu dis n'importe non. quoi. Ah, ah si, si. Alors, le Yeti lunaire. Nous avons une des race bras sur les Yeti. Il y a bien des Yeti au Pays Basque, alors pourquoi pas sur la Lune. Et dans ce cas-là, il saute par-delà les tentacules. Non, là, tu vas trop loin. Et il vient juste à l'orée de l'œil du Kraken. Et il lui enfonce. Sa bite. Non. Super. Son bras dans l'œil. Et dans ce cas-là, le Kraken, il est Ken. Non. Le Kraken. Ton Yeti, il est sur la Lune. Je pense que voudrait-il attaquer le Kraken qui serait comme un con. Il dirait merde. Non. Parce que si tu sautes de la Lune, mon gars, avec. Si tu sautes dans la Lune, c'est ça ton point. Ouais. Bah, si tu sautes de la Lune, mec, tu es attrapé par la gravité, tu restes dans l'espace, c'est Gravity. Non, avec parce un Yeti. Que tu sautes très. C'est Gravity. Tu es trop très très fort. Non. Et dans ce cas-là, tu dépasses la gravité lunaire. Non, arrives dans la gravité terrestre et dans ce cas-là, tu descends comme une flèche. Dans ce cas-là, t'es une météore et tu exploses et nous, ça nous fait rien. On reste dans l'eau, on va au fond. On explose sur ta gueule. Vous êtes des lâches, vous restez dans l'eau, vous restez dans notre habitat naturel. Bah, vous allez sur la lune. Non, mais vous postulez. Justement, nous, on est des explorateurs. Vous postulez la montée des eaux et donc le réchauffement climatique. Alors que si on écoute bien. Les scientifiques les plus sérieux, le réchauffement climatique n'existe pas. Exactement. Alors que le Yeti existe pour de vrai. Oui, c'est bien avec c'est bien. Bien connu. Sûr. Non, mais voilà, si y a un combat humanité sur la Yeti sur la plage, nous dans l'eau, bah il fait quoi les contre toutes les tentacules. Il est pas. Il a deux bras, on en a 25. Mais est-ce que tu crois que le Kraken il peut arriver sur la plage en mode il y a 30 cm d'eau, il arrive à se débattre. Mais non, il est enlisé dans le sable, il arrive pas à bouger. Et je pense même que quand le Yeti arrive au niveau de l'Himalaya, il est congelé. Alors le Yeti peut sauter sur les tentacules, marcher comme ah parce que le Kraken est Kraken, congelé. Ouais. Oui, le Kraken est congelé pardon. Mais dans ce cas-là, il saute sur le Kraken. Il marche tel Marion Cotillard sur les marches de Cannes. OK. Et il arrive jusqu'à ta gueule et il te chie dans la bouche. Non mais non, ce qu'on est congelé. Bah justement, bah, ça rentre pas. Eh oui. Mais il te repousse après. Ça glisse sur la glace. La défense ultime, la glace. Vous êtes un poisson pané, ni plus ni moins. Non. Mais on a gagné quand même, on sera immortel. Bah non, vous êtes congelé. Non, l'argument ultime, c'est qu'il y a des salades de calamar et de poulpe, alors que les salades de Yeti, ça n'existait pas. C'est vrai. Je suis persuadé qu'il y a des contrées où ils bouffent des. Au Tibet, on sait pas. Il y a déjà mangent. Des cannibales, donc je pense que des Yeti balles, ça se trouve assez vite. Et regarde, tu connais les glaces Yeti freeze. Moi, j'en ai mangé plein. C'est un argument pour nous. Bah non, parce que nous on mange le Yeti, donc voilà, c'est comme les salades de calamar. Non, tu suces le glaces. Yeti, c'est pas pareil. Le fait est que. Mais si tu le suces. Le fait est qu'on ingère le Yeti. Autant dire que tu lui fais pas grand mal, quoi. Après, bon, si tu le suces jusqu'à ce qu'il disparaisse, ça devient. Moi je pense c'est que c'est une combat... espèce de long supplice, une épectase sublime. Le ah, combat c'est beau. Yeti c'est beau. Contre Kraken n'a pas beaucoup de sens, par contre, on pourrait faire. En tant qu'humain, à quoi on survit le plus? Ah bah au Yeti. Non, on y survit le plus au Kraken. Bah non, le Kraken, c'est comme le Yeti, il t'enroule dans ses. Le Kraken, il suffit de pas aller dans l'eau. Il suffit de pas aller dans l'eau. Et ouais, normalement, okay. Ça va. Ok, moi tu restes sur la plage, tu restes dans la baignoire surveillée. Attends, et normalement, ça passe. Tu fais pas de croisière, tu ne vis plus. On ne vit plus. Un mec, genre Captain Iglo, le Yeti, lui ratonne sa race, il en fait des bâtonnets quoi. Mais bah, il fait des Yeti freeze. Voilà. Le Yeti, tu peux. Il se cache. Non, mais super, il se cache avec son double dos, il fait quoi? Rien. Et bah justement. On fait des toujours de dos même quand on en fait tourne. On en fait des tours de dos. Je pense qu'on a pas ça n'a pas de sens. Je pense que Steven veut déjà arrêter. Ouais, je pense ouais. Donc on n'a pas de vainqueur. Et bah, dans l'eau, je pense que le Kraken gagne. Dans la montagne, je pense que le Yeti gagne. La réponse de Normand. Tout ça pour ça, cette fucking grosse s'arrête sur un scandale total. Cet axe qu'on ne vous... Toujours on écrit combat réel, jamais on ne le fait bien. Mais en même temps, c'est dur à faire. Donc, si, le combat réel pirate contre ninja avait du sens. Parce qu'on avait gagné, ouais. À la fin, les pirates avaient gagné, c'est vrai. C'est vrai. Parce qu'ils se battent, sur le même terrain, alors que là, c'est assez difficile. Hein. C'est vrai. Mais où en temps, vous faudrait faire un truc lâche un kraken sur l'Himalaya, mec, qui s'écrase comme une merde. Lâche un yeti dans la flotte. T'as plus de passer à l'essai rose. Peut-être quoi. Le yeti nage, on ne sait pas. Ah! Yetinage, il y a un jeu de mots, non? Non, mais parce que même si pas, le Yeti. Ah, si, Get Image, mais. Le Yeti se trouve aussi en Australie, je te rappelle. Pour aller en Australie depuis l'Himalaya. Il a pris un bateau comme tout le monde. Je ne pense pas. Ah, bah, tu sais bien, tu ne penses pas. Super. Bon, bah, je crois qu'on va s'arrêter parce que c'est de la merde. Ouais, c'est nul. C'est nul, ok? Cette rubrique est nulle. Donc, on va finir. Ce sera peut-être aussi nul. En beauté! Parce que c'est moi qui le fais, donc peut-être ce sera pas très mieux. Par la vie, Patrick. Cette semaine, Patrick, c'est où? C'est là. Non, c'est pas là. J'ai perdu mes feuilles. C'est bon. Allez, lance le jingle de vie, Patrick. Arrête ta musique relou. Et on y va. La la la la. La la la la. Ce jingle est un scandale. Pendant que Alexis et Steven se sont sur des mots doux à l'oreille, aujourd'hui j'annonce que Patrick rencontre le Christ cosmique comme annoncé précédemment. Alors Patrick, mon petit Patrick, je sais que toi, comme nous parfois, tu aimerais bien être quelqu'un d'exceptionnel. Ne prends pas la mouche Patrick, détends-toi. C'est génial que tu sois arrivé troisième à la course au pastaga de ton village et que ta collection de photos de Pompidou, je sais bien qu'elle a époustouflé les connaisseurs. Elle a fait un grand buzz chez les pompidologues. Mais bon, toi comme nous parfois, qu'est-ce que tu me montres? J'ai plus que 10% de batterie. Ah non, je vais me dépêcher. Tu m'as perturbé. Les pompidologues. Mais bon, toi, comme nous, parfois, Patrick, tu voudrais être plus. Tu aimerais être investi d'une mission, avoir une importance capitale pour le monde, comme Malcolm X, Mandela et Nora Malagré. Mais hélas, comme nous, tu restes une merde insignifiante qui finira balayée par la main froide du destin et sa feuille de PQ triple épaisseur que certains appellent le temps. Eh oui. C'est beau, c'est rude. Heureusement, il y a quelqu'un qui nous permet de garder espoir. Lui aussi n'était rien, jusqu'à ce qu'on lui révèle son importance. Tu te demandes sûrement qui c'est ce fameux Sylvain Durif dont je veux te parler. Sylvain Durif. Mais tout comme on ne peut pas dessiner le prophète sous peine d'avoir Charlie en leg, comme dans ton... Hey, attention. Je pense qu'on n'a pas le droit de présenter Sylvain Durif car il le fait très bien tout seul. Je m'appelle Sylvain Durif, mon nom au plan cosmique c'est Oriana. Donc j'incarne en fait l'énergie de l'homme vert du grand monarque qui est annoncé par les prophéties de Nostradamus. Donc c'est l'énergie du Christ cosmique, celui qu'on connaît aussi sous le nom de Merlin l'Enchanteur. Donc tout ça c'est une seule et même énergie, hein. Sylvanus, l'homme vert, Merlin l'Enchanteur, le Christ cosmique, c'est un seul et même personnage, donc c'est moi. Et j'arrive en cette fin de calendrier Maya pour annoncer la vérité suivante. On est sur le chemin de la paix, de l'harmonie sur Terre et dans le cosmos, en harmonie avec tout le monde justement. Et avec, que ce soit les extraterrestres, qui sont là, hein, ils sont présents physiquement ici, comme j'ai expliqué, il y a une base militaire ici, il y a des bases intraterrestres, extraterrestres ici. Voilà, ça c'est Sylvain. Aka Sylvanus, l'homme vert, Merlin l'Enchanteur, Oriana ou le Christ cosmique. Il a plus de son nom que Booba, ce qui le rend déjà assez exceptionnel. Mais pas seulement. Je vous vois venir, hein, les trolls qui, entre deux commentaires cynico-haineux, essayaient d'apprendre des tirades Dr. House Parker. Je vous vois venir, Sylvain ne dit pas qu'il est le Christ cosmique. Ce serait prétentieux et faux. Il dit simplement qu'il est relié à l'énergie du Christ cosmique, qui est aussi Merlin l'Enchanteur et aussi l'homme vert. Hein ? Ça n'a rien à voir, donc faites attention. J'ai perdu mon autre feuille, ça va plus. Il y a une pause. Attendez, je suis perdu. Voilà. Donc, Sylvain, il a un background intellectuel en plus. Il a un système de pensée très bien ficelé. Il cite Nostradamus, on l'a entendu. Un argument d'autorité quand même. Parce que Nostradamus, c'est du sérieux. Au-dessus, c'est le soral, le soleil, pardon. Bref. Oh putain. Sylvain, c'est un surhomme de la planète Aldébaran. Il le dit dans une autre vidéo, je pourrais vous le linker si vous voulez. Donc, planète Aldébaran, c'est un surhomme. Où on fabrique des surhommes sur cette planète. Hein, voilà. Il est mi-homme-oiseau et mi-homme-loup. Et il est lié à l'Atlantide et au dieu serpent Quetzalcoatl. J'invente rien, je cite d'autres vidéos. Et tu vois Patrick, j'ai beau citer Sylvain comme un exemple d'être exceptionnel, là il en fait trop. Il faut choisir. Tu peux pas être lié à l'énergie de Merlin, le Christ cosmique, l'homme vert, et à l'Atlantide en même temps. C'est fromage ou dessert, c'est Merlin ou Atlantide, il faut choisir. Il en a un peu trop fait, il est gourmand. Patrick ne tombe pas dans le même travers que lui. On a pu observer des géants de 3-4 mètres là dans le champ en face d'ici. Donc si vous voulez, ça c'est des réalités. Mais justement, on doit être dans la confiance absolue par rapport à ça, parce que nous-mêmes, l'humanité a été composée à partir de souches extraterrestres, diverses et variées, qui sont réparties dans le cosmos. Donc l'être humain est un composant de souches extraterrestres. La souche primordiale de l'humanité, c'est ça. Donc on doit retrouver en fait notre condition, notre nature profonde, et vivre en confiance avec ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas parce qu'on voit un extraterrestre qui a 4 doigts, par exemple, qu'on a pu retrouver une main à 4 doigts dans un champ juste derrière, là, un peu plus haut, l'INAS. Bon, c'est pas parce qu'on voit ça qu'on doit avoir peur. Au contraire, on doit comprendre, ça doit être simplement le signal qu'il y a d'autres êtres que nous, dans le cosmos, qui vivent et avec lesquels on doit être en paix. Qu'est-ce que j'entends ? La Gaule n'appartient pas au cosmos, monsieur, n'est-ce pas ? C'est scandaleux, Jeanne ! Jeanne ! Ah oui, Jeanne, où est-elle ? Pourquoi ne va-t-elle pas nous sauver dans son vaisseau spatial ? Car Sylvain le dit ailleurs, la Vierge Marie se déplace en vaisseau. Ils sont très longs, oblongs et dorés. Donc peut-être que Jeanne a les siens aussi, on ne sait pas. Et la Vierge Marie ne parle pas. Et elle est silencieuse, évidemment. En tout cas, Sylvain transmet un beau message, hashtag pas d'amalgame. Avec les aliens, même s'ils ont 4 doigts, il veut la paix avec les extraterrestres, avec les intraterrestres, les reptiliens, les gnomes, les fées, les géants et le réseau des cités de lumière d'Agartha. Il en parle, ça, c'est vrai, tout ce que je n'invente rien, ça c'est ça qui est beau. Enfin, c'est vrai, c'est lui qui le dit. Ouais, en tout cas, lui, il sait que c'est vrai. Bien sûr, tout ça, tout ce que je cite là, alors, c'est là, voilà. Sylvain, il est beau parce que c'est Gandhi dans l'espace. C'est un Gandhi extraterrestre, un peu comme Alf. C'est donc. Gandalf. Voilà. C'est moche. Patrick, tu pourras peut-être jamais te prétendre lié à l'énergie du Christ cosmique, Merlin l'Enchanteur, l'homme vert, mais qui sait, peut-être que en toi sommeille l'énergie du Mecha Bouddha, peut-être es-tu lié, genre t'es le cousin germain de Van Helsing, ou peut-être que ton grand-père n'a pas collaboré, ce serait déjà pas mal. Patrick, si tu n'arrives pas à te trouver important, si tu penses que tu n'as pas d'importance, fais comme Sylvain, invente-la. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est très beau. Bravo. Le Christ cosmique, on l'attend. S'il veut venir dans la FK. Si Sylvain Durif veut nous parler de toutes ses thèses dans la fucking Kermesse, il sera le bienvenu. Il aura 1h30 pour raconter tout en détail le Christ cosmique, Merlin, les fées, les gnomes, les géants de 4 mètres. Moi, ça me fait de la peine parce que je m'appelle Sylvain. Ah, c'est vrai. C'est vrai que ton patronyme en prend un coup. Mais du coup, peut-être que tu es Merlin Enchanteur. Parce que dans une autre vidéo. Je doute un peu. Hein. Dans une autre vidéo, il dit Sylvanus. Je sais plus quoi. En fait, il dit qu'il a vu une plaque en Bretagne, je crois. Quand il se promène dans la forêt de Brocéliande en Bretagne, il y avait une plaque qui avait écrit Sylvanus, Merlin l'Enchanteur, l'homme vert. Et donc, il a compris que, en tant que Sylvain, il était relié à l'énergie de Merlin. Donc, peut-être que toi aussi, que cher Sylvain. Oupi est relié à l'énergie. Heureusement qu'il s'est pas appelé Kevin. Mais où est-ce que t'as trouvé ce machin ? Vous tapez YouTube et il a. Tapez YouTube déjà ? Ouais, vous tapez YouTube et il est apparu sur beaucoup de vidéos. Et on l'a même vu sur iTélé au moment de. C'est Boukarache. Le 21 décembre, Boukarache. Et normalement, vous le trouvez très très facilement. Oui, vous tapez Sylvain Durif, D-U-R-I-F, et vous avez des. On va dire une heure de bonheur devant vous à rigoler. Et simplement, Christ cosmique, normalement, ça devrait suffire. Parce que. Vous faire enrôler, cela dit. Hein. Peut-être que vous allez complètement adhérer à ce. Mais en même temps, sa théorie est vraiment complète. Hein. Parce qu'en fait, dès qu'il explique un truc, il y croit, il dit non, c'est comme ça, c'est temps, comme ça, c'est génial. Peut-être qu'il faut le croire parce qu'il dit qu'à l'âge de 5 ans, dans sa chambre, il a vu des serpents. Sont apparus sur son lit des serpents et des singes qui dansaient. Et ensuite, et sa petite sœur a vu la même chose. Et c'était de la bœuf, ça. C'est tout. Et ensuite, il était abducté par des aliens. Enfin bref, ouais. Il a une triste histoire, c'est un martyr de notre temps. Il faut l'écouter, Patrick, pour ça qu'il a été à sa rencontre. Voilà. Donc, on se termine gentiment. On se termine Entre nous après l'émission. C'est dégueulasse. Ouais, donc, c'est un peu sale. La prochaine fucking kermesse à numéro 16 sera sur le cul au Japon. Et cette fois, c'est vrai, parce que dans la FK 14, on a annoncé une FK jeu qui n'aura jamais lieu, une FK 15 avec Coupi sur les comptes qui aura lieu un peu plus tard, et on a annoncé surtout que Alexis ferait la vie Patrick. Mais Alexis est un connard. Et Alexis est parti en Sicile. En Sicile, ouais, à mon avis, il était plus en Sicile qu'en Sicile. Et il n'a pas fait la vie Patrick. Donc, ouais, c'est vrai qu'on embrasse Jeanne. Et normalement, pour la FK16, ce serait bien que Alexis fasse. Ouais, la vie Patrick. Tout à fait. On a pas changé. Ce sera la veille. Est-ce que t'as une idée de sujet ou pis pour la vie Patrick prochaine pour Alexis ? Ou pas du tout ? Mais pas du tout. Non, là, j'ai rien qui me vient. T'as pris des je pensais à sucer comme un Yeti, mais ça n'a aucun rapport. Sachant que la prochaine FK, si je ne m'abuse, sera enregistré le 18 septembre, c'est ça ? C'est ça. Oui. C'est-à-dire avec la présence de l'inénarrable Zaza. C'est qui vrai. Nous revient de Tunisie pour un week-end pour enregistrer. C'est-à-dire la veille du de la reprise de Doctor Who. De Universe en direct. Voilà, il y aura un podcast le 19 septembre en direct sur Doctor Who, sur Universe.fr. Exactement. Et donc, la allez-y. Fucking Kermesse sera là. Et Oupi sera là aussi parce que voilà. Ah bon ? Tout le monde sera là, le Yeti sera là, tout le Kraken monde, sera là. Bref, on s'embrasse, on vous fait des bisous. Merci beaucoup Oupi d'être venu, j'espère que c'était pas trop mais douloureux. Merci à vous, merci, c'était très chouette de revenir. Donc c'est toujours un plaisir. At Sylvain... At underscore Oupi. Ah c'est ça, tout at simplement. Underscore Oupi. Voilà, et dans JV, et dans ZQSD, et dans et la sur France Twitch entière. Et dans le monde. En tournée. Dans les pensées de ta mère aussi. C'est ça. Au revoir. Encore. Salut. Salut à tout le monde. C'était la petite caresse numéro 15. Encore. Ok. Est-ce que tu danses Francis? Oh là là là là là là là là. Attention à la Fiat Punto garée devant. Y'a qui ça, y'a qui ça, y'a qui ça.